Retro Nouveau. Hey, salut tout le monde et bienvenue à ce 30e épisode de Rétro Nouveau. C'est un épisode spécial sur le E3 2012. Oh yeah! Puis on avait dit qu'il n'y avait rien de spécial là, à l'épisode 30. Ben finalement, ça va être spécial. Ben oui, ça donne de même. C'est ça que ça va être. Le E30, ça donne le E3, ouais. Ça donne vraiment comme ça. 30 ouais. Épisodes, E3, 3-30, tu sais. Hey, écoute. Les astres sont alignés. Ils sont totalement alignés. On est tellement concept. C'est ça, présentement, on regardait la conférence de la Nintendo 3DS. Ouais, il est 10h-10, mercredi, puis on a regardé ça depuis le début, dans le fond. Là, ouais. On a décroché un peu parce qu'il nous montre toutes des choses qu'on a vues là, depuis un bout. Donc, on a décidé de commencer le show, question de ne pas se coucher trop tard. Ouais. Même si on va se coucher tard pareil. Mais on va faire... Un survol de tout ce qu'on a vu au E3 jusqu'à maintenant. C'est sûr que le E3, ça se termine le 7. On est présentement le 6, donc il se peut que demain matin, il y ait une grosse méga surprise comme Gadonsa, un as dans manche, Konami viennent de sortir une console next-gen, tu sais. C'est ça. Mais vous le saurez pas par nous autres, puis on va passer pour des has-beens. C'est ça. Mais à la place, on va quand même couvrir un énorme partie du E3 parce qu'on va couvrir les conférences de EA, Ubisoft, Konami, Microsoft, Sony et Nintendo. Puis on va faire aussi un survol de quelques jeux. On va parler qu'on a vu ici et là puis qu'ils nous ont accroché. On va parler surtout des choses qui nous ont accroché. Donc, j'aimerais préciser, si vous aimez les jeux de sport, vous êtes au mauvais podcast. Et si vous avez trippé sur tous les éléments fitness qu'il y avait dans toutes les consoles, n'en aura pas, arrête-toi. Il n'y en aura pas. Ouais. That's all. Fait que, c'est ça. Ben oui, gardons ça. Mais... dans la conférence 3DS, ils annoncent des beaux jeux qui existent déjà, d'ailleurs. Ben oui, mais jusqu'à date, la conférence 3DS, c'est rien que ça. C'est juste du... de la cochonnerie, ça existe déjà, vous l'avez déjà vu, et sinon, c'est des pitches de vente de « on a fait 4,5 millions de ventes sur ça, puis on a fait ci, puis on a fait ça ». Ben écoute, il y a eu Castlevania, Luigi's Mansion, puis Paper Mario, puis ça a été pas mal les highlights. En tout cas, c'est pas fini, on y revient à la fin. C'est ça, à la fin. Fait qu'on va commencer avec Electronic Arts, leur présentation. Moi, j'aimerais commencer avec Dead Space 3. Ouais. Dead Space 3, c'était terriblement intéressant parce que c'est la grosse nouvelle affaire de Dead Space, c'est qu'il y a un co-op maintenant. Ouais, ça, oui, c'est vrai, je m'en rappelle. C'est la première conférence que j'ai regardée. Ouais. Puis, j'ai jamais joué à Dead Space. T'as jamais joué à Dead Space? Ben, Dead Space, là, Dead Space 2. Ça va te faire chier dans tes culottes. Ouais, il paraît ça. Hein. C'est le 3 aussi, sauf à la fin, c'est ça. Rendu à la fin, comme le... t'as plus envie de chier dans tes culottes, c'est mais, ça. Non, mais le 3, on n'a pas encore joué, là. Ah, le 3. C'est le 2 que la fin n'est pas correcte, là. Le 2, ben la fin est correcte. Moi, je la trouve correcte, la fin. Je l'aime bien. Moi, le 2, là, le 2, je l'aime au complet. J'ai rien à dire contre le 2 parce que je l'aimais beaucoup, à part peut-être le fait qu'il n'y avait pas un multijoueur. Puis c'est ça qu'on a, on a rectifié le tir dans le 3e. Mm-hmm. Il y a un co-op, puis ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est vraiment incroyable, c'est super beau. Ah oui, c'est beau. La seule affaire qui me dérange peut-être un tout petit peu, c'est que Dead Space 3 en co-op, c'est pas creepy, t'sais, c'est pas épeurant. T'es avec un chum, tu niaises une coupe de bière, des chips... ça va ressembler plus à un jeu de guerre traditionnel qu'à un jeu de survival horror. Ouais. Mais c'est bien correct. Ben franchement, parce que Dead Space, le gameplay est vraiment solide. Fait que je suis persuadé que ça va être le fun. Pareil, ça va être vraiment trippant. Puis que le jeu va prendre une autre... dans le fond, ça va prendre une autre signification. Puis... vraiment, Dead Space à 1, c'est vraiment épeurant. Mm-hmm. Fait que je me demande si Dead Space 3 à 1, ça aura pas une autre signification pour toi. J'ai l'impression que c'est genre le jeu, je vais jouer à 1 au complet. Puis après ça, une fois que je vais l'avoir terminé, je vais faire comme bon, ben that's it, dumb. On se tape une soirée de Dead Space, puis on joue à ça, puis c'est trippant, tu sais. Ouais. J'ai vraiment trouvé ça cool dans la présentation, en plus que la bébite, elle aspire. le personnage. Ouais, pis, ouais, pis là, tu te retrouves dedans. T'es dedans, puis t'es englouti, puis c'est vraiment écœurant. C'est le côté vraiment creepy, ouais, dégueulasse, c'est dégueulasse gory. Quand il est là-dedans, c'est hyper épeurant. Il se fait aspirer doucement, t'es comme merde. La musique, le petit violon qui revient tout le temps, tu sais. Ouais. Ils ont gardé l'essence de ça. C'est Visceral Game qui est derrière ça. Je veux dire, c'est des génies de l'horreur. Là. Je trouve qu'ils ont vraiment fait une bonne job avec le deuxième. Fait que j'ai vraiment aucun souci avec le troisième s'ils continuent dans la même lignée. Là. Disponible sur Wii U même, d'ailleurs. On a vu, non? Dead Space 3? Ouais. Ah oui? Ben, il me semble que j'ai vu ça. Wow! Moi, je me souviens pas d'avoir vu ça, mais ça se peut que tu aies raison. J'ai pas vraiment porté attention à ça. Mais si c'est le cas, magnifique. Me semble que oui. Me semble que oui, yo. Fait que... attends une minute. Coming February, parce que en passant, présentement, là, on est vraiment interactif, mais entre nous deux. Entre nous deux, c'est ça. On regarde les... On n'est pas positionnés comme d'habitude. On est les deux de la face dans mon ordinateur. Ouais. Il y a deux écrans. La conférence de la 3DS en bas, puis en haut, des vidéos de ce dont on parle. Ouais. Donc, on voit pas, c'est pas écrit. Ça dit que ça va en février 2013. Xbox 360. Non, ça s'en vient sur PC, PS3 et Xbox 360. OK. C'est pas Wii U. Bon. Donc, finalement, that's all, c'est ça qui est ça. Là, désolé. Je regarde le listing de EA, là, puis je me rends compte que c'est des jeux qui t'intéressent pas. Pas du tout. OK. Bon, mais regarde, je vais faire un survol rapide. Tu vas être pas mal tout seul à en parler. C'est correct. Je vais en parler rapidement, de toute façon, parce que les jeux qui sont là, j'ai pas une tonne de choses à dire à part Dead Space, parce que Dead Space m'a vraiment impressionné. Le deuxième, ce serait Medal of Honor Warfighter qui ont présenté. Je vais être bien honnête avec vous autres, puis je vais être honnête, that's it. Les jeux de guerre commencent à me perdre complètement. Ouais. Je commence à trouver que tout se ressemble. Mm-hmm. Moi, j'ai deux cousins qui sont dans l'armée, qui se battent pour nous autres, puis quand je joue à un jeu de guerre, j'avoue que j'ai pas j'ai probablement pas la même émotion que vous autres. Là. C'est différent pour moi. Puis je pense à ces gars-là, puis à nous autres qui s'amusent à mitrailler des faux terroristes, ouais, puis tout ça. Puis je trouve ça poche. Puis en plus de ça, je trouve que ça ressemble tout. Tu sais, il y a énormément de travail puis d'efforts qui ont été mis dans ces jeux-là. Puis c'est des jeux qui sont le fun une fois qu'on y joue. Mais moi, malheureusement, quand je regarde ça, je vois tout le temps la même affaire. C'est ça. Puis j'ai pas non plus le même feeling à cause de ma situation, à cause de ma famille. Mais bref, je suis pas vraiment le public pour ça. Fait que Medal of Honor, ouais, ça a l'air bien cool, ça a l'air bien beau. Mais je pense qu'il y a d'autres jeux pas mal plus intéressants, pas mal plus originaux. Fait que c'est probablement un jeu que je vais pogner dans un bin à quelque part. Au microplay un moment donné à 15$ parce qu'il durait 5 heures et tout le monde a chialé. Fait que ensuite de ça, il y a Need for Speed Most Wanted qui a été présenté à EA. Ça, j'ai été vraiment impressionné parce que Need for Speed, c'est un jeu qui a quand même besoin d'un second souffle depuis un méchant bout parce que... Il se fait-tu torcher par Burnout puis par Forza Motorsport? Ben Forza, ça torche tout. Ben franchement, là, c'est tout le temps le gagnant partout. Okay. C'est un jeu qui est très, très, très, très impressionnant, très beau. Mais Need for Speed, il y a le côté « Je suis le malfrat, tuer la police ». Ouais, c'est ça. Ça, c'est tout le temps le fun. Puis, c'est Criterion qui ont développé ça. Puis Criterion, gardons ça, qu'est-ce qu'ils font en plus de Need for Speed? Ils font Burnout. Driver. Ah, ils font Burnout. Puis là, quand tu regardes le gameplay de Need for Speed Most Wanted, c'est Burnout Paradise. Ouais. C'est la même affaire avec une map, avec une tonne de choses dessus. C'est comme un open world, une ville ouverte avec des circuits. Fait que moi, quand je regarde ça, je me dis, bon, ben, coudonc, c'est Burnout Paradise. That's it. Fait que c'est la seule impression que ça m'a donné. Puis je trouve ça magnifique. Tant mieux parce que Burnout Paradise, j'ai eu bien du fun, mais j'ai bien hâte de voir... en quoi ce jeu-là va se démarquer de Burnout Paradise, parce que j'ai quand même passé un an sur ce jeu-là, puis j'ai pas le goût de repasser plus de temps là-dessus s'il y a pas un autre petite accroche quelque part. T'sais. Ouais, je comprends. Puis pour terminer, dans ce qui moi m'a vraiment plu dans la conférence d'IA, ben évidemment Crysis 3, ils ont présenté du gameplay à la conférence, puis juste wow. C'est vraiment là, tu sais, d'un first person shooter, tantôt je parlais d'originalité puis tout ça, là, on y est quand même dans l'originalité parce que Crysis, ça joue pas de la même façon. T'as un suit qui te permet des habiletés qui sont pas normales, qui sont pas humaines. Ouais. Pis c'est vraiment le fun. Ça se passe en ville, ce jeu-là? Oui, ça se passe. Mais en jungle? Ben, c'est parce que ça se passe dans la ville, mais c'est tout le temps une ville un peu détruite qui a été prise par la nature, mais par des bébites aussi, par des aliens. Okay. Crysis 2 a été souvent reproché puis a été calé dans les critiques à cause de son intelligence artificielle était épouvantable. C'était pas bon. C'était pas une bonne intelligence artificielle. Puis il y avait plusieurs bugs dans le jeu, mais malgré ça, il y avait de quoi de bien le fun à Crysis 2. Puis je sais qu'il y a beaucoup de monde qui ont apprécié ce jeu-là. Moi, j'y ai joué, j'ai eu bien du fun à Crysis 2, même si l'intelligence artificielle était pas terrible. Fait que le troisième, je l'attends avec impatience. J'ai trouvé que ce que j'ai vu m'a vraiment plu. J'espère juste que l'intelligence artificielle est meilleure, mais ça, en même temps, quand ils vous présentent des affaires de même dans le 3, c'est impossible de savoir si l'intelligence artificielle est bonne ou est mauvaise. Ah, absolument. À part d'avoir des retours de ce qui s'est passé, des gens qui l'ont essayé au E3, mais pour l'instant, ce que j'entends sur Crysis 3 est très positif. Fait que j'ai bien hâte de voir ça. Excellent. Fait que là, on va passer à la conférence de Ubisoft. Oui. Puis toi et moi, on est d'accord sur le fait que les hosts étaient épouvantables. Ils étaient épouvantables. C'était du malaise. Oh man, c'était pas bon. Des là. Jokes qui tombent à plat. Ouais. Le gars là, qui est too much. Là, le gars, ah oui, le gars vidéo, YouTube. Le gars de YouTube. C'est qui ce gars-là? Il était atroce. Ah. C'était vraiment épouvantable. Puis tu sais, on se souvient, l'année passée, il y a eu ce qui a été surnommé sur Internet, c'est devenu même un meme, Mr. Caffeine. Okay. Puis le gars, il était crampant, t'sais, il était vraiment drôle parce que il était trop motivé tout le temps là, et il tripait énormément. Puis en 2010, ils ont eu Joel McHale, qui est l'acteur principal dans la série Community, okay. Puis qui fait aussi de Soup, qui est un comédien, stand-up comique vraiment, vraiment bon, vraiment drôle. Fait qu'en 2010, il y avait vraiment une formule gagnante, puis ça décrépit d'année en année. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Ubisoft, par contre, les jeux sont là, ouais. Mais pour ce qui est de l'animation, là, tabarnouche, faut trouver autre chose parce que cette année-là, ça a dépassé. Moi, pour moi, ça a été la conférence la plus difficile à écouter en termes de host. Ben, là, parce qu'on se sent mal, il y a des malaises. Il ouais, y a des malaises partout. Toutes les conférences, il y en a un petit peu des petites jokes, ouais. Des petites affaires. Hey, on peut-tu comme cesser de le gag, s'il vous ouais. plaît? Là, pis, soyez naturel, puis montrez-nous le shit, puis that's it. C'est t'sais. Ça, faites pas de gag. Ça marche pas, les gags. Pis surtout que tout le monde regarde les téléprompteurs, puis là, ils sont là, puis ils se parlent, mais ils se parlent pas vraiment dans les yeux. Ils regardent un écran en avant, c'est comme... T'sais, le gag marche jamais là. T'sais, oh, I see you have a whip in Castlevania. Yes, it must be really good. Yeah, I want one for my office. Non, hey, c'est pourri. Prévisible, dull, plate, c'est scripté. Ça marche pas. Puis ouais. Ils ont fait une entrée remarquée avec le rappeur Flo Rida. Ah oui. Mais tu sais, c'est le problème avec ça. Ben, ils ont montré Just Dance 4. T'sais, avec les pitounes qui dansent. Là, ouais. Ça c'est bien le fun, mais tu sais là Flo Rida, le son était épouvantable, ouais. J'ai l'impression que dans full, tu sais, ça devait sonner comme de la merde là, oui. Parce que moi je l'écoutais et ça sonnait tout croche, ah, oui. Je me sentais mal pour Flo Rida qui était obligé de faire un show devant cette bande de monde là, tu sais, qui osait même pas clapper des hands là, mais c'est ça, il devait se retrouver devant une gang de geeks tout maigres ou tout grassouillets, puis ça, lui il est cut, tu sais, puis il y a des babes sans arrêt, puis là il se retrouve devant une gang de boutonneux qui attendent des jeux vidéo. Il avait amené du bling comme c'était pas possible sur son micro. Même. Il y avait un micro avec un espèce de gros sourire goldé, tu sais. Ouais, un aigle en or, je sais pas trop, mais t'es ça t'es pas à bonne place, man. Non, c'est tellement pas ton public, tu sais. Fait qu'il aurait dû couper toute la crap, tu sais. Oui. Aller direct aux excellents jeux qu'ils nous ont montrés. Ben oui. Puis on va starter avec Far Cry 3. Oui. Moi, j'ai jamais joué à Far Cry, mais ils me l'ont vraiment bien vendu avec ce démo-là. Oui. Moi, j'ai... Mais c'est à cause le méchant comme tel, ce méchant-là, il vend tellement bien. Depuis le début, là, l'année passée, ils ont présenté Far Cry. Ouais. Ils ont présenté ce méchant-là, tu sais. Puis là, c'est dommage, je dis le méchant depuis tantôt, je sais même pas c'est quoi son nom. J'aurais dû me renseigner, là, mais vraiment, là, en termes de développement de personnage, là, quel personnage génial, tu sais. Ouais. T'as le goût de le connaître, ce personnage-là, puis... Je trouve ça brillant comme tactique. Dans le fond, c'est comme l'espèce de tactique. Dans un first-person shooter, on se voit pas. Fait que pourquoi pas pousser à l'avant le méchant puis le rendre le plus intéressant possible, comme le Joker dans Batman, tu sais. Absolument. Puis juste graphiquement, c'est vraiment impressionnant comme jeu. Puis c'est vraiment c'est beau, c'est coloré. Puis j'aime ça, comme quand il s'en va chez le méchant, justement, puis il y a des hangars de fortune, tu sais, avec des vieux écrans d'ordinateur, mais tu sais, des années 90, beige, là, genre. Je trouve que la direction artistique, elle fit super bien. Vraiment. Là. Ça match, tu sais, un genre des cochonneries qui traînent dans un peuple... qui n'ont pas d'argent, je sais pas, puis ils font des hangars avec ça. Tu sais, je veux dire, tout est beau, tout est superbe. Non, ça, vraiment, là, tu sais, c'est ça, réussi à fond. Ça, tu vois, c'est un shooter, mais c'est ça, je considère ça original, justement. C'est original, t'sais. C'est original, puis c'est un shooter de survie en même temps, Far Cry 3, puis ça se passe avec du vrai monde. Puis de ce que j'ai cru comprendre dans ce que j'ai vu jusqu'à maintenant, c'est que t'es pas tout le temps le même personnage dans Far Cry 3. Ouais, mais on dirait qu'il y a une hallucination, tu sais, entre... Ouais. C'est le méchant qu'on dans voit, ce qu'ils nous ont présenté, il y a une hallucination, mais l'hallucination... est faite d'un autre membre du clan, du méchant, tu sais. Puis aussi, dans un des gameplays que j'ai vu, t'es une des personnes qui se fait avoir par la gang, par une espèce de drink hallucinogène. Ouais, c'est ça. Puis t'es pris en otage, puis tu finis par te sauver avec ta blonde. Mm-hmm. C'est vraiment intéressant. L'histoire semble vraiment cool. L'univers est vraiment... En tout cas, j'ai juste des bonnes affaires à dire sur Far Cry 3. Moi, c'est je pense que d'un first-person shooter, là, la liste est très longue, là, mais je pense que d'un first-person shooter, c'est le premier que je m'achèterais. Là. C'est vraiment impressionnant ce qu'ils ont fait. Bien aimé, moi aussi. Fait qu'on enchaîne avec les Avengers. Oui! Ben écoute, il était donc bien bizarre, ces Avengers. Ils sont beaux, mais beaux. Ils sont laids. Comment ça, ils sont laids de même? Je veux dire, ils sont slick, tu sais, puis c'est bien correct, mais il y a de quoi de... Ben, c'est la séquence, tu sais, c'est le FMV qu'on appelle, là, la séquence, le film qu'ils ont présenté, qui n'est pas du gameplay. Ouais. Puis ils sont pas bien beaux, là, tu sais. À part, mais tu sais, voyons, Colin, j'ai de la misère, pas Carnage, Venom. Mais Venom. Ouais. Il était quand même pas pire. Non, il est cool. Ben, c'est le fun. C'est toujours très agréable de voir Venom enragé qui charge. Là, mais ouais, dire, ça, il est tellement hot, Venom. Mais... Excuse-moi, man. Faut vraiment que j'aille pisser. T'es sérieux? Oui. Okay. C'est quand je me retiens depuis tantôt. C'est bon, vas-y. Ben, je peux continuer un peu. Ben écoute, je vais continuer. Donc moi, les Avengers, je suis un des dudes qui a pas vu le film. Mais j'ai pas besoin de voir le film parce que je connais assez bien l'univers Marvel. Puis... C'est ça, c'est super bien rendu, c'est luisant, c'est nice. Mais je regarde Wolverine, puis on dirait qu'il est en latex. J'aime pas ça, moi, voir Wolverine comme ça. Je veux voir du poil, tu sais. Puis tous les costumes, c'est ça, les gars sont... On dirait, en fait, qu'ils ont pas de costume, tu sais, que c'est juste leur peau qui est colorée. Il y a de quoi de fake là-dedans, de très étrange. C'est troublant. Puis, mais la texture, les textures sont belles, mais ils sont inappropriés, à mon avis. Là. C'est ça le problème. Puis là, on voit Spider-Man aussi qui sac une volée à Magneto. J'ai comme l'impression que ça se pourrait pas, cette histoire-là, là, tu sais. Ah ouais, puis il y a une séquence à la fin avec le Hulk, puis tout le monde qui sont sur le toit, on voit là que ça va brasser. Mais c'est ça qui est cool. Spider-Man est là, Venom est là, il y a comme... C'est les Avengers, mais avec des personnages en plus. Fait que ça va être un beau paquet... de personnages de Marvel ensemble, mais ça va être l'histoire des Avengers. Fait que ça, c'est cool. Mais pour le reste, je trouve ça un petit peu laid, là, dans le fond. Ça me rend mal à l'aise. Hein, écoute, Bruno? Tom, j'étais aux toilettes. Là, pis... Tu m'as tout entendu puis t'es d'accord. Je suis tellement d'accord avec toi. C'est vrai? Tu m'as entendu ou quoi? Oh, non, okay. Mais j'ai entendu un bout, mais je suis totalement d'accord avec toi. Mais en même temps, tu sais, ça montre pas grand-chose des affaires de même. Non. Ça m'écœure quand ils font ça. Tu sais. Ouais. Ils disent, tu sais, on a un nouveau jeu à vous présenter. Plus ils présentent aucun gameplay, une séquence puis il n'y a pas de gameplay. Ça dit rien. Ça peut être le même meilleur film au monde, puis le gameplay est poche. T'sais, c'est comme si on présentait Final Fantasy Spirits Within, puis on disait que c'était tiré d'un jeu. Tu te dis, crime, ça va être le jeu du siècle. Ouais. Mais finalement, c'est pas le jeu du siècle, c'est pourri. C'est ça. Ça dit rien, dans le fond. Là. Ça dit rien. Méfiez-vous de ça, en fait, oui. Là, avant d'acheter. Là. Puis pour la suite, j'aimerais dire kudos à Miss Harvey, qui est avec oui. nous à Monsieur Net. Elle a joué à Counter-Strike. Malheureusement, pour Miss Harvey, je suis pas un fan de Counter-Strike, je suis pas un fan de PC jouait Gaming. Pas, elle, mais je pense qu'elle jouait elle pas. Elle a présenté des champions de Counter-Strike puis des champions de World of Warcraft. C'est tout ça. Il y a des gars et les filles qui se prenaient ouais. compte. Dans une belle histoire, tu sais, qui fitait avec les hosts de gens qui se relançaient, puis c'était ridicule. Mais en tout cas, fait qu'on mais a une bataille de Counter-Strike. C'est ça. Puis elle était là. Fait que... Puis elle était là, mais c'est quand même cool qu'elle ait été là. Fait que félicitations, bravo. C'est magnifique. Puis par la suite, on a eu tout ce le qui monde. Est probablement la bombe du E3, ouais, à mon ouais, avis. Ouais, là, ouais. Personne ne s'attendait à ça. Watch Dogs. À Montréal, en plus. Fuck, mon du gars. Du beau travail, ce jeu-là, quel c'est jeu. Incroyable. Ben, c'est de la façon qu'ils te le présentent au début. Oui. Tout est connecté. Ben, c'est comme un peu une version apocalyptique, moi, je trouve, de la vie. Là, oui. T'es un numéro. Ça y est, là, c'est fait. T'es un numéro. Tout est dans des ordinateurs. Puis c'est genre les grosses compagnies qui contrôlent tout. T'sais. Sauf qu'il y a un dude qui a réussi à hacker le système il y a 10 ans, mais il a pas fait grand-chose. Il a comme juste réussi, mettons, à fermer toutes les lumières. Mais là, d'après ce qu'on voit dans le gameplay, je sais pas si c'est le même dude, mais avec son téléphone, il est capable de fermer genre des lignes, ben, il disait, des blocs au complet, puis tout bugger les communications. C'est ça, parce que je pense que la ligne de Watch Dogs, c'est « connection is everything » ou « communication is everything ». Connection. Mais je pense que c'est « connection is everything ». Puis c'est un peu vrai présentement. On est tous des esclaves à nos téléphones intelligents, à Internet, à toutes ces sources d'informations-là. Puis même, il y a une série télévisée qui s'en vient. Je pense que c'est justement ces connections, quelque chose du genre, que le courant part. Puis on n'a plus d'électricité, puis on devient vraiment une race primitive, là, littéralement. Là, on ne sait plus quoi faire, on n'a plus d'Internet. Fait que, tu sais, je trouve ça brillant comme concept. Puis tu vois clairement que les créateurs ont pris l'engin de Assassin's Creed pour faire le jeu, parce que c'est Assassin's Creed contemporain. Ouais, c'est vrai. C'est littéralement ça. Sauf que contrairement à Assassin's Creed, là, j'ai comme plus l'impression que tu prends ton temps plus souvent, tu prévois tes affaires, t'as vraiment beaucoup de planification à faire. Avant de faire ton gros coup, puis un coup que c'est parti, puis que là, c'est le bordel, par exemple, attention, ça brassait vraiment. Mm. Mais moi, c'était tellement bien fait, puis le gars, il avait tellement des skills. Je me demandais, mais jusqu'à quel point c'est réaliste. Vraiment ça? On va-tu vraiment jouer de même? Ben moi, je pense que oui. On dirait que ça se peut pas de faire autant de choses. T'sais. Ben non, ça se peut tellement parce que là, dans le fond, ce qu'il a fait dans le démo, c'est qu'au départ, tu le vois rentrer dans un bar. Premièrement, il hack les cellulaires des gens pour pouvoir rentrer. Après ça, il rentre puis essaie de trouver la personne. Puis en rapport avec les cellulaires, toutes les ondes qu'il y a, il peut scanner les gens puis savoir quel type de gens ils sont. Genre, OK, elle a eu deux refus sur ses prêts hypothécaires, ce qui veut dire qu'elle n'a pas grand cash. Lui, il a perdu ses deux enfants. Lui il a plein de cash. Lui, il a sida, ouais. Fait que ça, je trouvais ça cool. Je me disais, aïe, si tu peux avoir le profil de chaque personne de même, puis vraiment te sentir surpuissant. Quand t'es connecté, t'as le power. C'est ça. C'est tout, là. Moi, je trouvais ça brillant. C'est vraiment bien fait, bien scripté. Puis le personnage, tu sais, il est tellement average en même temps que c'est ça qui est intéressant. C'est ça, comme toi qui arrêtais pas de dire l'autre fois, tu sais, moi, je suis un gars, j'aime les underdogs. Ouais, c'est ça. Si t'aimes les underdogs, là, t'es servi, là. Parce que le gars, il a pas l'air badass. Ça a l'air d'un gars. Il a une casquette. Normal. Mais il est quand même très violent. Là. Il sort une genre, tu sais, les petites matraque rétractable, ouais. Là, bâton de fer, là, il sort ça, puis il bat du monde en oh, mort oui. Avec ça. Puis, ouais, ben c'est ça. Il a l'air de rien, mais il a des puissants poche, skills hein. De combat. Là. Ouais. Ça, c'est très intéressant pour ça. Mais il n'a pas de l'air d'un combattant, il n'a pas de l'air d'un tough guy. Il a de l'air. Non. Vraiment d'un average Joe de la Rive-Sud. Non, t'sais. C'est ça. Moi, dans ma tête, ce gars-là, il s'appelle Michel Tanguay. Là. C'est ça, puis, c'est ça. Il travaillait pour Bell avant, comme, t'sais, aux communications. Yeah. T'sais, je sais pas. T'sais, c'est vraiment un average guy. T'sais, à la limite, ses contacts ont l'air pas mal plus badass que lui. T'sais. Mm-hmm. Mais ouais, j'ai trouvé ça le fun, le fait de pouvoir hacker. Justement, le gars, il hack les lumières. De les lumières de circulation, puis il fait un accident, il cause un accident, tu sais. Ouais. Je trouve ça tellement cool parce qu'en plus, tu le vois à la fin du démo, il roule comme un malade, puis il hack d'autres lumières avant le trailer se termine. C'est vraiment cool de savoir qu'on va être dans un jeu où on va pouvoir hacker n'importe quoi, puis j'espère qu'ils vont laisser ça ouvert le plus possible. Sûrement. Pour que tu puisses faire des mauvais choix. Ouais. Tu sais, admettons, là, je serais dans le bar, puis je cherche. La personne que je suis posé communiquer avec, puis je décide juste de hacker la lumière du bar. Ouais. Puis que là, la lumière, elle ferme. Puis là, ça tout le monde cause un paniqué. Puis là, tu fais comme, ah, fuck, c'est pas ça la solution, mais ouais. Là, j'ai eux autres, puis là, eux autres sont rendus là. Fait que là, j'ai comme foiré, ils sont excités. Fait je que me demande pas... jusqu'à quel point ça va se rendre là. Hein? On dirait je suis pas sûr que ça va se rendre là parce que c'est quand ça, même poussé, là. Mais j'ai hâte de voir justement à quel point là, ça va se rendre là. Parce que jusqu'à date, le seul bug que j'ai avec le jeu, c'est que tout semble tellement scripté à cause que c'est vraiment là, c'est. Ouais, mais en même temps, c'est très précis. C'est un démo, tu sais, puis ils nous ont montré précisément une ligne directrice, ouais. Pour montrer. Puis ils nous présentent le concept c'est vraiment ça, plus qu'autre chose. S'ils nous avaient montré un gars en train de gosser puis fermer les mauvaises lumières, tu sais, on aurait dit, ben là, ça va nulle part, tu sais. C'est ça. Non, c'est ça, Nintendo s'en est le fait à la place. Mais non, c'est ça, fait que Watch Dogs, juste malade. Là, moi, j'attends ce jeu-là avec impatience. Je vais l'acheter jour 1, à moins que 5 jours avant, il y ait une critique de Denis ou quelque chose du genre ouais, qui dise « C'est un jeu minable, n'achetez jamais ça. » Fait que, en tout cas, j'ai bien hâte de voir parce qu'il m'intrigue énormément. Là. Absolument. Puis moi, là, pour finir sur la conférence d'Ubisoft, là, j'aimerais dire « Où est Brothers in Arms Furious Foy? » Furious Foy. Le Furious Foy, là. Non, Furious Foy. Je sais pas c'est quoi, Bruno, ce jeu-là. Je sais pas c'est quoi, man. C'est un jeu de guerre, l'année ça. Passée, ouais. Il avait annoncé ça. Puis, ce qui m'avait accroché, c'est un first-person shooter. Hein. Là, tu vas me dire, man, first-person shooter, c'est pas ton genre, Bruno. Mais... Le trailer, l'année passée, de ce Brothers in Arms-là, c'était la copie conforme du film de Quentin Tarantino, Inglourious Basterds. Okay. Oh. Puis c'était vraiment écœurant comme ouais. Trailer. Là. Je veux dire, moi, j'étais hyper excité là, comme une petite fille dans un magasin de bonbons. Là. Je capotais. Un enfant, qu'on dit. Ah oui, puis... Un enfant, mais moi, je dis une petite fille parce que j'étais vraiment... Là, j'étais vraiment comme... j'avais vraiment hâte. Puis c'est Gearbox qui développe le jeu, ceux-là qui ont fait le très médiocre Duke Nukem. Ouais. Mais ils font aussi des bons jeux entre-temps. Puis là, Brothers in Arms Furious 4, il n'est pas sorti encore. Il n'y a pas eu de nouvelles. Il est supposé sortir en 2012, mais on n'a comme rien eu. Mm-hmm. Puis c'est vraiment comme Inglourious Basterds. Ouais. C'est que je me demande si Quentin Tarantino s'en est pas mêlé et il a pas fait comme « Where's the fuck my money, man? » Ouais, ouais, t'sais, ouais. Peut-être qu'il il est juste arrivé de même, vu nulle part, puis il a fait « Hey, c'est pas cool, man, t'as complètement volé mon concept. Ouais, ouais. Retravaillez-moi ça. » Puis j'espère que non, parce que le concept est tellement écœurant, là. Moi, tu sais... Ouais, c'est vrai que ça a l'air nice, hein? Tuer des nazis avec ces personnages-là, là, ouais. N'importe quand. Le gars, puis là, on voit un gars qui attempe l'autre dans le front, pareil comme Tarantino, tu sais, ouais, avec son et il l'étampe avec la map du Texas, ouais, tu sais. Ouais. Alors moi, je trouve ça écœurant. Fait que non, puis j'ai jamais aimé Brothers in Arms. Ça a jamais été ma série. Puis là, ça, c'était juste phénoménal là, comme bande-annonce. Fait que s'il vous plaît, Ubisoft, donnez-nous des nouvelles. Parce que ça a tellement l'air écœurant. Là. Moi, je veux jouer à ça. Là. Bon, là, je vais avoir plus de choses à dire, par exemple. Parce qu'on va parler de la conférence de Konami. Yes. Puis on va partir ça avec Metal Gear Rising Revengeance. Ouais, Revengeance. C'est Colin, quand même un peu bizarre. Hideo Kojima, what the fuck? Pourquoi t'as appelé ça de même? Attends, je vais juste le partir. Mais non, Metal Gear Solid Revengeance, Rising. Jeu phénoménal. Ouais, Rising. Ah. Parce que ce qui est le fun de ça... Oups. Oh, Peggy 18, crime. On pourrait dire que c'est une inside à Radio Talbot parce que Denis le met souvent. C'est ça. Ce qui est le fun, là, c'est que moi, Metal Gear Solid, là... Ouais. Ça ne m'intéresse pas vraiment comme type de gameplay. Ouais, c'est ça. T'es un peu tanné. J'étais un peu tanné. C'est compliqué, c'est cinématique, c'est long, puis tout ça. C'est long, pis, c'est lent, tu sais, puis... Puis là, avec ça... C'est juste du slashing puis du tuage, mon gars, comme c'est pas permis, là. Badabing, mon gars, c'est juste malade, ça, là, t'sais. C'est avec notre copain Raiden, par exemple. Il y en a peut-être qui l'aiment pas parce que c'est un petit blond puis tout ça. Ouais, mais moi, je l'ai toujours aimé, premièrement, parce que je trouve qu'ils l'ont bien introduit dans Sons of Liberty. Mais il a pris une coche dans le quatrième. Il a pris une sale coche, là, c'est ça. Mais dans le premier, il le présentait comme un... C'était quand même une recrue là, au PlayStation 2. Mais tu sais, il montrait son passé quand même, tragique, un enfant soldat, tu sais. Puis étant très jeune, il a fait la guerre froide, puis il a tué des tonnes de d'innocents. Là, ça le hante là, sans cesse, là, puis il est totalement perturbé par ça. Puis là, il y a un build-up, puis je pense que dans Metal Gear Solid 4 aussi, à un moment donné, il prend Snake dans ses bras, puis il capote, non? Puis il y a un breakdown bien raide. Puis là, c'est pire que pire, là. Il est comme rendu à un point où est-ce qu'on dirait que... il tue tout. Il tue tout, puis il est complètement perturbé. That's all, il veut faire le bien, mais il sait plus qu'est-ce qui est le bien ou le mal, on dirait. Fait que he doesn't care anymore. Puis d'après ce qui s'est passé après Metal Gear 4, là, il y a comme l'information concernant le cybernétique, le cyborg, je sais pas quoi. Tout le monde semble être devenu des robots, si possible. Puis lui, il a l'air d'un mi-humain, mi-cyborg. Là, il est tout en métal, là, écoute. Ouais. Puis on dirait qu'il y a la moitié de la bouche en métal aussi. Il y a un œil rouge qui allume. Il n'y a rien qu'il n'y a pas, là, tu sais, d'un cyborg. Fait que... Mais c'est le swordplay là-dedans qui est vraiment... Le swordplay... qui est vraiment malade. On dirait que tu peux comme mettre ça sur au ralenti puis donner des shots d'épée dans tous les sens que tu veux. Fait que si t'as un gun avant de toi, tu peux, mettons, y couper la tête, y couper un bras, y couper le chest en 45, après ça, dropper, y couper un genou, tu sais. Tout ça dans la même séquence au ralenti. Puis après ça, ben quand tu sors de ta séquence, le gars, il tombe en morceaux. Là, exact. T'sais. Ça a l'air génial. Ah non, c'était écœurant. Puis là, dans le nouveau gameplay, ils ont présenté Raiden... qui massacre un hélicoptère puis un tank. Ouais. Fait que ça, c'est magnifique, je veux dire. Il est capable de tout couper, il vraiment. Il coupe tout là. Avec son épée. Son épée est juste malade. Ouais. Puis, tu sais, c'est ça que je trouve le fun. On dirait que ça, c'est la réponse à Ninja Gaiden 3. Ouais. Genre, comment Ninja Gaiden 3 aurait dû être, tu sais. Ouais. C'est tellement ça, là. Je veux dire, ça serait encore meilleur. Mais mettre du gameplay de 2012... Parce que là, ça, c'est ça. Présentement, on avait le trailer de 2010, parce que ça remonte à loin, là. Oui, ça fait longtemps. Avant, ça s'appelait juste Rising. Oui. Puis possiblement que, finalement, Hideo trouvait qu'il n'y avait pas assez de mots dans ce titre-là. Fait que, tu sais, là, c'est vraiment... C'est Metal Gear 2. Rising Revengeance. Ouais. C'est tellement de stock pour rien. Mais ils ont donné aussi le développement de ce jeu-là à l'externe, à... Comment ça s'appelle? Non, pas Polaris, quelque chose comme ça. C'est... Attends un peu, je vais sortir ma pochette. Non, c'est vrai. Il... Eux, là. Les mêmes que Vanquish. Attends une minute. Platinum Games. Platinum Games, c'est ça. Qui sont spécialisés dans les jeux d'action comme ça. Oui, puis les jeux d'action rapides, là. Comme Vanquish, rapide. Tu sais, je veux dire, c'est sûr que j'achète ça. Ouais. Ça va être malade, j'ai vraiment, vraiment hâte. Ah non, c'est sûr et certain. Puis Platinum est en train de se faire une foutue belle place dans le monde du gaming, tu sais, puis... Moi, il y a juste eu, c'est ça, il y a juste, j'en parlais aujourd'hui sur Twitter, mais il y a juste eu Bayonetta que j'ai pas trippé, tu sais. Ah ouais, j'étais curieux de l'essayer, ce jeu-là. Ouais, mais moi, Bayonetta, ils m'ont perdu un peu. Je trouvais que c'était, je sais pas, ça fonctionnait moins bien pour moi. Mais j'ai aimé Mad World sur la Wii. Ouais. Anarchy Reigns s'en vient aussi sur toutes les consoles, qui a l'air vraiment excellent, tu sais. Fait que non, je suis persuadé que ça va être canon. J'ai aucun doute. Ils ont aussi évidemment présenté Mirror of Fate de Castlevania Lord of Shadows. Ouais, Castlevania Lords of Shadows, Mirror of Fate. Hey, donc, vive ça, les compliqué. Titres longs, Konami. Hein? Merci beaucoup. Ça va sortir sur la 3DS, dans le fond. Ouais. Puis, à ce que je vois, ça semble être un reboot de Castlevania 3, Dracula's Curse au NES. Parce que tu es Trevor, donc le même Belmont que sur le NES. Ouais. Et puis, on a vu que Alucard allait être présent. Mm-hmm. On a vu que Simon Belmont allait être présent aussi. Ouais. Il n'était pas présent sur le NES, par exemple. Il était arrivé plus tard. Puis, il y a un autre personnage. Ouais. Moi, je prédis que ça va peut-être être un des deux autres personnages qu'il y a dans Castlevania 3 au NES, donc Grant, le pirate qui grimpe sur les murs, ou Sifa, qui est la petite magicienne bleue là, qui fait de la magie. Moi, mais... sais-tu ce que je prédis, man? Quoi? C'est que ça va être Dracula, le prochain personnage qu'ils vont annoncer, pour mettre un espèce de petit lien avec Lords of Shadow 2, vu que dans Lords of Shadow 2, on est Dracula, tu sais. On n'est pas Dracula, je pense. Ben, on devient Dracula. Ben, je sais que dans Lords of Shadow, Gabriel Belmont devient Dracula. Exact. Dans Mirror of Fate, sur la 3DS qui va sortir, attention, il y a eu deux enfants. Ouais. Il y a eu Trevor puis Simon. Mm-hmm. Ces deux gars-là se rendent compte qu'ils sont des frères, puis les deux veulent aller buter Gabriel. Mais il y a une affaire qui se passe, c'est que Alucard arrive, puis Alucard est le fils de Dracula. Donc, ça voudrait dire que Trevor ou Simon va se transformer en Alucard, peut-être, tu sais. Ouais, mais ils n'ont pas annoncé encore la façon dont on allait pouvoir jouer avec ces personnages-là. Fait que si c'est juste un select au début, pareil comme dans Ninja Turtles... Non, ça sera pas ça. Tu sais, non, mais on sait jamais. D'un coup que c'est ça veut dire que tu pourrais jouer avec d'autres personnages. Je pense que dans la façon que l'histoire est construite, puis je suis pas mal sûr d'avoir lu ça, c'est que c'est pas un select. C'est comme tu fais le bout de Trevor, après ça, tu fais le bout de Simon, puis à un moment donné, ils se rencontrent, puis après ça, tu as un autre bout. Je pense que c'est construit autour d'une histoire comme ça. Là. Oh, moi, tant qu'ils ne ramènent pas le loup-garou de 64, moi, je suis bien content. Tu ne verras plus jamais celui-là, mais c'est ça. Mais ils n'en ont pas parlé. On a juste vu un vidéo de Lords of Shadow 2 pour les grosses consoles. Puis là, on voit justement Gabriel qui est Dracula, qui tue tout le monde. Puis à la fin, il y a quelqu'un qui vient le défier, un personnage dont on ne voit pas le visage aux longs cheveux gris avec une épée. Pas mal certain que c'est Alucard. C'est sûr que c'est Alucard. Donc là, ces deux jeux-là, de la 3DS puis des consoles next-gen, ils sont connectés d'une certaine façon. Moi, c'est pour ça que je suis certain que le quatrième personnage, il est connecté d'un deux. Puis c'est pour ça, tu sais, le fait que Gabriel, maintenant, ça soit Dracula... Ouais. C'est trop intéressant comme accroche pour que tu puisses éviter ça dans l'autre jeu, tu sais. Ouais, mais... ça pourrait être le fun à la limite que c'est une twist qui fasse, ben une fois que tu as terminé le jeu, tu peux jouer avec Gabriel en tant que Dracula, avec des pouvoirs puis tout. Ouais, mais de faire le monde des jeux vidéo, mon gars, ça déçoit souvent. Ouais, mais pour aller te tuer toi-même à la fin du quest. Non, mais pas nécessairement. Tu fais sa propre histoire à lui. Ouais, exact. Non, mais c'est pas nécessairement une histoire. Dans les jeux vidéo, surtout dans les consoles portables, il y a beaucoup de non-sens. Ouais. Ben, des fois, tu peux utiliser un... J'ai déjà battu Bison contre Bison. Mais c'est un jeu de fighting, tu sais. Mais là, ça s'applique aussi au jeu de performing. Concernant l'histoire de Castlevania, ça semble être très respecté, tu sais. Puis le timeline, tu sais, puis ils ont vraiment dit Revive ou whatever, Unleash, découvre la Dracula's Curse. Ils ont dit ça dans le démo. Puis Dracula's Curse, c'est le titre du jeu sur le NES. Mais à ce moment-là, Trevor, il manquerait deux personnages. Puis c'est Alucard, puis il manque les deux autres. C'est là, ça. T'sais. Mais Simon est là, qui est un personnage. C'est ça qui vient fucker le chien, parce que Simon, c'est dans Castlevania 2. Est-ce qu'ils ramèneront pas le petit voleur, man? Ben, il est peut-être pas si. Il est pas assez impressionnant pour ça, tu sais. Fait je sais pas qui ça peut être avec Richter. Mais en même temps, ça se peut. Déjà là, il y a de quoi qui me dérange parce que Simon et Trevor Belmont, Trevor est l'ancêtre de Simon, tu sais, au NES, là. Fait, mais là, ils sont des frères, donc c'est comme s'ils regroupaient deux générations. Ça, ça me fuck déjà. Fait qu'en tout cas, on pourrait c'est en malade parler... comme tu connais l'histoire, ça n'a pas de sens. Ben, on dirait que c'est toi le réalisateur. Je pourrais en parler pendant longtemps, mais... C'est fou! Mais j'ai l'impression qu'ils n'ont pas fait n'importe quoi. J'ai l'impression que ces deux jeux-là sont intimement reliés, puis qu'ils n'ont pas fait n'importe quoi, tu sais. T'appelles-tu Dominique Belmont? Ouais, peut-être. Hein, peut-être. Peut-être. Mais, Christy, les gros fouettes qu'il y a dans ta chambre, là, ça doit non, expliquer pas, quelque chose. Non, c'est pas pour ça. Ah, mais il y a de quoi qui va se passer avec ces deux jeux-là. Puis moi, là, c'est mon moment là, de casser. Ah oui, on voit là, ça, là, vraiment. Je capote, l'étincelle là, j'ai l'étincelle. Puis après, j'ai vu, après avoir vu le gameplay de ouais. Mirror of Fate sur la 3DS, on a vu que c'était 2D style 3D. Ça a l'air très cool, sur la 3DS. Ça a l'air excellent, super le fun. Ouais. Évidemment, c'est console next-gen, on n'a rien vu encore. Là. C'est comme plus un concept vidéo. Là. Ouais, ouais. Mais, tu sais, Lords of Shadow, moi, vous savez mon avis. Là, j'ai vraiment adoré ce jeu-là. Fait que j'ai vraiment hâte de voir le prochain. Fait que non, coudonc, fantastique. Gros dénouement pour Castlevania au cours de gros la prochaine dénouement. Année. Puis Konami, ben, c'est vraiment ça qui nous a impressionnés. Ouais. Sinon, on va parler de deux jeux, dans le fond, qui sont pas dans des conférences, mais qui nous ont piqué notre curiosité. Ouais. Puis on va y aller avec Retro City Rampage, qui est attendu depuis par bien des gens depuis un il bout. Il est attendu depuis tout le temps. Ça fait il va sortir bientôt. Là, très mais bientôt. C'est une petite équipe qui travaille sur ce jeu-là. Ça. Fait que comme n'importe quel jeu indie du genre. Mais celui-là, ce qui est le fun... C'est que récemment, ils ont enfin dit que le jeu allait être disponible pour la PS Vita dans ta face, man. Ben, il va l'avoir sur la 3DS aussi. Il a dit PS Vita. Hein? Ben, il me semble que ça va être disponible sur tout. Ben, ça serait le fun, mais ce qui a été annoncé jusqu'à date, c'est que c'était PS Vita, PS3, XBLA. Ah oui? Il n'y a pas eu d'annonce pour la 3DS. Ah bon? C'est un jeu qui, d'après moi, a vraiment... Le look puis tout ce qu'il faut pour être sur la 3DS, mais il n'y a pas eu d'annonce pour être sur la 3DS. OK. Ah fait bon. Puis d'ailleurs, fais donc un search là, pour qu'on soit sûr de notre shot. That's it. Fait que c'est ça. Ah. Le... WiiWare. C'était ça. C'est, pour c'est ça. Que ça. Fait que Retro City Rampage, présentement, serait disponible pour PS3, PS Vita, WiiWare, donc sur la Wii, Xbox Live et Steam sur PC. Fait que tout sauf la 3DS. Bon. Mais c'est pas grave, hein? J'ai un PlayStation. Ah oui. Mais moi, c'est vraiment un jeu que je vais jouer sur ma PS Vita. Je trouve que le format est parfait pour ça, là, vraiment. Fait que ce que c'est, dans le fond, là, c'est un Grand Theft Auto 8-bit. Oui. Puis à travers ça, dans le dernier trailer qu'ils ont sorti, il y a des tonnes de références à plein de jeux NES. J'en ai noté quelques-unes, là. Ben, pas juste NES, en fait. Mais bon, bien sûr... Grand Theft Auto, les Teenage Mutant Ninja Turtles, le tableau dans l'eau avec les bombes, aussi la petite van des Turtles qu'il y a dans le stage 4 de NES est là. On a vu Mario avec le kit de Raccoon qui vole, des shops de Skate or Die, un tableau de Smash TV, une séquence comme Breakthrough au NES de Data East. On a vu Metal Gear, il se cache dans une boîte. Il y a Bionic Commando avec le grappin dans le fond qui balance d'un bord puis de l'autre. Moi, je trouvais qu'il y avait Paperboy. Ça l'était Metal Gear, Paperboy. Un peu de Jackal, on dirait, même au design. Là, c'est incroyable le nombre de références qu'il y a là-dedans. Puis ça a l'air... Mais quand sur RetroNouveau.ca, j'avais mis une entrevue avec le développeur. Puis il parlait justement de son amour pour tous ces vieux jeux-là. Puis il voulait créer un genre d'hommage aussi en même temps à tous ces jeux-là, tu sais. Puis c'est très réussi. Puis quand on dit, bon, ça ressemble à GTA en 8-bit, mais à vrai dire, ça ressemble à GTA sur le Game Boy Advance. Le GTA sur Game Boy Advance ressemblait beaucoup à ça. Puis si c'est proche de l'expérience qu'il y avait sur Game Boy Advance, ça va être malade comme jeu parce que c'était vraiment, vraiment bon. Là. Avec toutes les références ajoutées, puis la musique profitée, ça va être beau party rétro gaming qui va faire chaud au cœur à tous les connaisseurs de jeux vidéo finalement. Ça va être fort, ça va être le fun. Puis il y a aussi un autre jeu, The Cave. The Cave, c'est ça. Puis un platformer. C'est un platformer, puis ça, c'est fait par le même dude qui a créé Maniac Mansion. Oui. C'est Double Fine qui est derrière ça. Ouais. L'équipe à Tim Schafer. Hey, Maniac Mansion, pareil, ça remonte à loin. Là. Mm-hmm. C'est un peu la même gimmick. Tu choisis des personnages au début, puis dans The Cave, tu t'en prends trois. Puis ils partent dans une cave, puis la cave, la grotte, te parle. Ouais. À ce qu'ils disent. Puis chacun des personnages, d'ailleurs, a une quête différente, puis sont tous très différents. Ouais. T'as un chevalier que lui, il cherche Excalibur, je pense. T'as un inventeur que lui, il cherche whatever, tu sais. T'as un couple marié, on dirait qu'il cherche l'amour. En tout cas, c'est n'importe quoi, mais t'en choisis trois là-dedans, puis tu pars à l'aventure. Puis moi, je trouvais ça juste très, très, très joli, là, comme platforming. Puis ça a l'air... Il y a de l'air d'avoir des bonnes twists dans ce jeu-là, ouais. des trucs à découvrir. Puis en plus, si tu peux refaire le jeu avec plein de personnages différents, je suppose qu'ils passent pas tous par les mêmes places ou il doit avoir des éléments différents pour chacun. Exact. Donc ça permet de jouer beaucoup, là, beaucoup de... Tu peux recommencer ta game, pas avoir la même game à chaque fois là, finalement. Ouais. Non, puis j'ai bien gros aimé l'esthétique aussi du jeu. Je trouve ça super beau. Ouais. Ça me faisait penser au film de Hard Man, les espèces de films faits en claymation. Ouais, ouais, ouais. Non, c'est vraiment beau. C'est ça. C'est Ron Gilbert qui a fait ça, qui a fait Maniac Mansion. Fait que. Good job. Pas mal intéressant. Ouais. En 2013 que ça s'en vient. Yeah. Fait que, puis en passant, ça va être disponible sur le PlayStation Network et sur XBLA, ainsi que sur PC, évidemment. Ouais. Fait que c'est ça, on va vous parler maintenant de la conférence de Microsoft. Ouais, on va faire les grosses conférences. Ouais. Bon, fait que est-ce qu'il y avait de... Ben, avant tout, avant les jeux, je trouve, ouais. Microsoft, ils ont poussé la Smart Glass. Ouais. Puis ça, dans le fond, ce que ça fait, c'est que ça permet de connecter... On dirait là ton pad ou ton téléphone avec ta Xbox dans ta TV. Tout est connecté. Là, ouais, tout est connecté. C'est malade, là. 2.0. 2.0. All the way chez vous. Ton pad devient allume la TV. Puis ouais. Là aussi, c'était très commande vocale. Hein? Ouais. Puis ça prend une Kinect pour ça. Ça, ben la Kinect, là, maintenant, c'est ça qui est drôle, c'est que. Ah, on s'aperçoit que les jeux vidéo, ça ne fonctionne pas vraiment. Fait que maintenant, on peut tout commander par la voix, par ouais, Kinect. Puis là, c'était dégueulasse, je trouve, dans la... Dans la conférence. Ouais. Excuse. Parce que là, ils sont comme Xbox, film. Ouais. Xbox, Sylvester Stallone. Ouais. Xbox, Rambo 2. Mais tu sais, c'est ouais, comme... OK, Xbox, TV. Xbox, Game of Thrones. C'est heurt. Alors... Tu me vois-tu, moi, chez nous, parler à ma Xbox de même? Ah, j'haïs ça, moi, non, oui, que je vais faire ça. T'sais. Non. Je vais prendre ma manette puis je vais y aller. Là, ça va aller pas mal plus vite. Là, il essayait-tu de nous impressionner avec ça? Parce que ah, vraiment, oui, ben, là... c'est parce qu'il faut qu'ils poussent Kinect. Ben, ils ont sorti ça l'année passée, cette affaire, pas l'année passée, il y a 2 ans. Puis là, on lui demande de pousser ça puis d'investir là-dedans. Mais, Colin, Kinect, là, c'est en train de mourir à petit feu. Mais Smart Glass, c'est ça, moi-même, je me suis obstiné là-dessus sur Internet parce que, bon, tout le monde sait, la Wii U offre principalement la même chose, c'est-à-dire une connexion avec un écran tactile ainsi qu'une manette. Puis là, on me disait, ainsi que la TV. C'est ça, ainsi que la TV. Puis là, tout le monde disait comme, ah ouais, mais Smart Glass, ça tue Nintendo, man. Non, ça tue pas Nintendo parce que Smart Glass, ça demande premièrement d'avoir un téléphone intelligent ou une tablette. Mm-hmm. Puis en plus de ça, si tu l'as déjà, je veux dire, c'est impossible d'utiliser ta tablette puis ton téléphone avec ta manette. Non, c'est ça. Ce qui fait que la Nintendo, ça fonctionne, c'est que tu as la manette dans les mains puis tu as ton écran dans la main en même temps. Ben, c'est ça. Tu as la manette et ton écran. C'est ça. Parce que là, quand tu joues, mettons, à ton jeu de Xbox, puis comme il le montrait, faut que tu mettes sur pause. Ouais. Là, tu joues à tel jeu, whatever, puis là, whoop, il y a quelque chose qu'il faudrait que j'aille voir. Tu ouais. mets sur pause, là, tu pognes ton iPad qui traîne à côté de toi, puis là, tu scannes des informations exact. Qui ont rapport dans le jeu. T'sais. Là, ah, OK, c'est beau. Puis là, tu mets ça à côté, puis là, tu repognes ta manette, puis là, tu déposes, tu continues ta game. C'est parce que c'est pas pour être chien, là, mais je veux dire, je fais ça présentement avec ma 360. Ben, là, j'ai mon iPad à côté. Ah, je suis jamais dans un jeu. OK, là, ah, OK, c'est ça la solution. OK, bon, ben, je vais le battre de même, Raiden. C'est que là, dans le fond, tu vas avoir tes solutions directes dedans ton iPad quand tu ouais. vas le syncher avec le jeu, je suppose. Mais tu sais, c'est ça. Mais l'iPad n'est pas une manette. C'est ça la non. différence, tu sais. tu joues pas avec ton iPad au jeu qu'il y a dans la TV, ou peut-être ça va arriver, je sais pas, mais même si ça arrive, il y a pas de bouton, il y a pas de joystick, il y a des boutons, il y a rien là. Qui bat ça. Fait là. Que moi j'aime pas je trouve ça intéressant. Non, mais moi, ben, c'est super cool qu'il le fasse. Le concept est intéressant. Moi, je trouve ça hyper intéressant, Smart Glass, pour tout sauf les jeux. Ouais. Tu sais, comme, admettons, d'avoir, j'écoute un film sur ma Xbox, puis là, c'est comme, je veux voir des special features ou quelque chose sur le film, puis il est connecté en constance. Tu sais, comme il parlait de HBO Go, puis admettons, t'écoutes un épisode de Game of Thrones, puis au moment où la scène se passe, t'es capable de voir qu'est-ce qui se passe, où est-ce qu'ils ont tourné cette scène-là, dans quel endroit ça se passe dans le livre. Ouais. Ça, je trouve ça, tout ça c'est malade. Génial. Ça, c'est écœurant, là, tu sais, puis je trippe au bout. Mm. Mais dès que ça parle des jeux, là, de juste moi avoir ma map là-dessus, puis tout. C'est le fun, c'est un bon gizmo, c'est cool. C'est un gizmo, mais ça va pas, mais ça fait pas compétition à Nintendo, moi je trouve. Tu sais. C'est cool que ça existe, puis alright, all the way si vous avez un Xbox 360. Puis je serais le premier à le faire, mais tu sais, c'est pas la même affaire qu'un Nintendo Moi, disons que ça le vend pas pour moi. C'est ça l'affaire, c'est que, tu sais, il y a du monde qui m'avait parlé de Smart Glass, puis qui m'avait dit Smart Glass, ça va tuer la Wii U. Non. Puis là, quand j'ai vu la présentation, j'ai fait comme ah, ben non, finalement, ça tue pas la Wii U. Tu sais, c'est intéressant. Mais là, l'affaire, c'est que avec la Wii U, si Nintendo se botte le cul un peu, ils peuvent faire la même affaire que Microsoft fait avec Smart Glass et mieux. Ça. Ouais. Fait que, tu sais, regarde, c'est à eux autres de se grouiller puis de les torcher. Là, ça coûte moins cher de s'équiper en Wii U Gamepad qu'en tablette. Exact. Fait que c'est ça, fait que passant à autre chose, toi, il y avait un jeu de Kinect qui t'avait marqué. Marqué, en tout cas, ça m'avait piqué ma curiosité. Matter. Ouais. Ça, Matter, qui moi, je me disais... Ça, c'est-tu le Marble Madness, ça, c'est ça, contemporain? Je me disais, hein? T'sais, c'est Marble Madness pour la Kinect. Ah, c'est ça. Mais on a vu le trailer, puis ça explique pas grand-chose, à part que Gore Verbinski, qui fait les Pirates of the Caribbean, maintenant, trip bien gros ses billes en métal. Ouais, c'est ça. C'est un jeu de billes en métal qui semble passer dans un labyrinthe, mais c'est vraiment... ça fait penser à Tron un peu. Ouais, c'est ça. Tron, Marble Madness, on dirait que c'est les billes en... Faut que tu te rendes jusqu'au bout pour connecter avec un autre bille, on dirait. C'est, c'est cute. Ça fait Portal un peu aussi dans le look. Moi, j'ai pas mal l'impression. Parce que, tu sais, le trailer était vraiment là, genre, wow, très concept. Je suis persuadé que dans la vraie vie, ça va être un petit puzzle bien ordinaire. Ouais, là, ça se peut. C'est pour la Kinect, après tout. Ouais, ben il y a ça, puis c'est trop épique pour un jeu avec une petite boule pour qu'on fasse par la suite... Moi, c'est Matter, mon jeu de l'année, là. Tu sais, je pense pas. Fait que... Ouais. Écoute, ça a été de la poudre dans mes yeux, là, côté cinéma, là, parce que je trouvais ça vraiment beau. Là, c'est super beau, mais moi, ce qui m'a piqué, ce qui a piqué ma curiosité, c'était que c'était Gore Verbinski qui est derrière ça. Ouais. Je me disais, c'est-tu la même affaire que Steven Spielberg avec Blockbox, je pense, où je me souviens plus trop sur la Wii. Oui, ouais, c'était un bon jeu, ça. Tu sais, c'est ça, c'est un bon jeu de puzzle. Fait que je me dis, bon, c'est-tu un autre, tu sais, Steven et Gore, ils prenaient une draft ensemble, puis là, ils ont dit, hey man, fais un jeu vidéo, man. Tu vas faire la pièce, mon gars. Mets ton nom là-dessus. Avec E.T., là, moi, j'ai... Ouais, c'est ça. Moi, j'ai engagé une bunch de Japonais, là. Ils ont fait un trailer pour moi, là. Ça a l'air de Tron avec des marbles, mais ça va être écœurant, man. Je sais pas c'est quoi le jeu, mais ça va être écœurant. Je sais pas c'est quoi une Kinect, là, mais pareil, c'est bien, bien hot. Ça a l'air, c'est le fun, là. Tu bouges tes bras, là. Tu prends une draft, tu bouges tes bras, tu regardes Pirates, puis c'est malade. Ben sinon, il y a eu une présentation de South Park, le jeu. Mm-hmm. Puis, moi, j'ai adoré leur introduction. Ben, ouais. Ben c'était drôle parce qu'ils se foutaient de la gueule. C'est ça, Trey Parker puis Matt Stone, ils ont dit, c'est « What about a game that you can play while you're standing on your refrigerator and after that you're just watching at your living room and you have connected. Your pad in your hand, all connected through one experience? » Le gars, il pousse vraiment le fait que ça s'en vient ridicule avec Kinect. Là. J'ai trouvé ça fort, un gros pied de nez à Microsoft, finalement. Ah, c'est clair. Tu sais, direct sur leur show. Fait, je sais pas s'ils ont eu de la merde par la suite en faisant ce genre de statement-là, mais ça a vraiment marché en leur faveur. Là. Ouais, ouais, c'est clair. Puis il est cute, le jeu, là. Je te dis pas que j'achèterais ça. Ben, là, c'est parce que c'est supposé être un MMO. Fait okay, okay. Moi, les MMO, je suis pas là. Tu sais, puis surtout que je viens de critiquer Tenorman's Revenge, qui était épouvantable. Ouais. Fait que non, moi, j'étais content à cause de l'introduction des deux gars. Ouais, moi, ce que j'ai trouvé drôle des gars, justement, c'est... Ouais, tu sais, ils font des cartoons depuis combien d'années? 15 ans, je me rappelle plus. Puis ils disaient, bon, ben, tu sais, dans les cartoons, bon, là, ils sont chez Kyle. Fait qu'on voit la maison de Kyle, là, ils sont chez Carl. Ouais. Ils sont chez Kenny, on voit la maison de Kenny. Mais là, dans un jeu, faut que tu fasses une map, tu sais. Ouais. Là, ils savaient pas, était où la maison? Ouais. Et où l'église, là? La maison de Kyle est où par rapport à celle de... À celle de Kenny, tu sais, il était comme, fallait qu'il invente ça, là, après 15 ans, il s'était jamais posé la question. J'ai vraiment trouvé ça tordant, là, t'sais. Ah non, c'est très drôle. Tu vois que c'est un autre univers, là, les jeux vidéo, pareil, là, que, comparativement aux cartoons, donc... Ah non, ben raide. Ben sympathique. Ah, c'était cool. Puis après ça, moi, je voulais parler de Halo 4. Ouais, c'est ça. C'est le grand retour de Master Chief. C'est le grand retour de Master Chief. Parce qu'il était pas là dans le 3, c'est ça? Non, c'est ça. Là, ben, il crevait ou... Est-ce que j'ai pas suivi? Je pense qu'il est mort. Ah, il est mort, OK. Je pense qu'il était supposé être mort, mais... Ah, puis là, il est plus mort. Ouais, je suis la pire personne pour parler d'Halo parce que Halo m'a jamais excité. J'ai chaque jeu chez nous un après l'autre, puis j'essaie de me motiver à jouer, puis j'y arrive pas, je trouve ça très générique. Puis moi, Master Chief, un gars dans un casque de même, quand il voit jamais la face, puis tout. Ah, j'aime pas ça, moi non plus. Je trippe pas. Fait que, bref, tu sais, puis même là, vous pourriez me dire, ouais, mais Krim, tu joues bien à Metroid. Je suis pas le plus grand fan de Metroid en passant, fait que c'est pas un argument pour moi. En tout cas, je veux pas. J'aime ça, mais c'est un. L'huile sur le feu, mais je trouve que Samus, elle est comme 100 fois plus intéressante que. Ouais, mais on peut les comparer les deux. C'est ça que je te dis. Ouais. C'est quand même deux personnages que tu pourrais comparer t'sais, dépendant de l'histoire. Mon problème que j'ai avec Master Chief, c'est que je trouve qu'il a de l'air d'un regular trooper, tu sais. Il a de l'air d'un minion. Ouais. Il a pas de l'air d'un... T'sais. Ouais, sauf que dans les jeux, quand même, ils le mettent sur un piédestal. Il est quand même plus important que les autres. Fait qu'on peut pas y reprocher c'est là ça. Que ça se passe. Puis l'univers autour de Master Chief est quand même... intéressant. Ouais. L'affaire qui est drôle, c'est que Halo 4, quand tu regardes le gameplay du jeu, ben ça ressemble pas mal à Metroid Prime. Ouais. Puis à Metroid Other M, tu sais. Ouais, c'est le même genre d'environnement et tout ça. Fait que je me disais, ben... Il y a du monde qui nous aimera pas de comparer. Il y a-tu du monde qui s'inspire? Ouais, puis c'est sûr et certain. Puis il y a du monde qui nous aime pas déjà parce que là, on parle contre Halo 4, là, mais c'est pas grave. Regarde, c'est notre podcast, c'est nous autres qui parlent, puis that's it. Fait que... Mais cela dit, tous les fans de Halo et de Microsoft qui ont parlé sur notre site ont vraiment trippé. Les gens ont vraiment trippé. Ils ont vraiment hâte de voir ça. Exact. Puis, c'est genre vraiment hâte pour eux autres. Donc, mais moi... Bravo. Moi, là? Ouais. Toi, tu dis souvent ça. Moi? Ouais. Fait que là, moi, je le dis moi ben, aussi. Quand moi? Je le dis pour moi, parce que je me trouve différent des autres, donc je veux le spécifier, tu sais. Moi, là? Ouais, toi, Bruno. Mais moi, là, sérieusement, ça l'a fait pour moi. Ouais. Je suis pas attiré pas en tout par Halo, normalement. Puis ce trailer-là, ce gameplay-là... ça m'a fait quelque chose. Ouais. J'ai trouvé qu'il y avait de quoi de différent pour une fois, puis j'ai trouvé que l'environnement était intéressant. Il y avait des nouvelles créatures, de nouvelles bébites qu'on allait affronter. J'ai trouvé ça intéressant. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup plus d'interactivité entre le personnage puis les ennemis. Fait que Halo 4, c'est peut-être le Halo qui va me faire embarquer dans la série un peu plus, même si j'essaye depuis un bout. Ben voilà. Fait que t'as vu? C'est superbe, en tout cas. J'ai tout le temps détesté Halo, puis là, ils ont eu mon attention, vraiment, ça m'a intéressé. Plus que le teaser que j'ai vu l'année passée, je me suis dit, Master Chief, encore le Master Poubelle pour moi. Fait que là, je me suis dit, peut-être que Master Poubelle va changer. Je trouve, en passant, mon petit grain de sel, le gun un peu trop gros pour l'écran, il prend le quart de l'écran, ça pourrait être intéressant qu'il soit un petit peu moins gros que ça. Sinon, par la suite, on a vu Splinter Cell Blacklist, qui est peut-être un exclusif à Microsoft, mais je suis pas sûr. OK. Parce que Conviction était un exclusif à la 360. Ben, l'est encore d'ailleurs. Il n'est jamais arrivé sur le PlayStation 3, juste sur PC. Ben, mais toutes les autres Splinter Cell, ils ont juste eu... Ils ont-tu sur PlayStation? Oh, oui. Ouais, okay, toutes les autres Splinter Cell avant ça, ils ont tous été sur d'autres consoles. Mais celui-là, je pense que si ça se trouve, ça va être encore exclusif à la 360. Puis tant mieux pour eux autres si c'est exclusif, parce que... Ça leur fait une belle franchise. Mais puis je veux dire, ce Splinter Cell-là amène quelque chose de nouveau. La façon que c'était fait, j'avais comme l'impression... On voit que Ubisoft est en train de profiter du succès d'Assassin's Creed pour imprégner le gameplay d'Assassin's Creed dans les autres jeux. Ouais, c'est parce ça. Parce que là, on l'a vu dans Watch Dogs. Même affaire. Et puis, dans Splinter Cell, on voit aussi l'influence de Assassin's Creed. Ouais. Assassin's Creed, comme j'aime tellement bien l'appeler. mais avec Splinter Cell, ça fonctionne un peu plus pour moi qu'avec Assassin's Creed, parce que le personnage de Sam Fisher est tellement cool. Puis, en plus de ça, les kills, si je pourrais dire, dans le jeu, sont vraiment cool, sont au slow motion. C'est vraiment... graphiquement, visuellement, c'est vraiment intéressant. Ouais. Fait que, Blacklist m'intéresse. C'est pas mon premier jeu du E3, mais quand même, Conviction, c'était tellement cool, puis c'était tellement... Une bouffée d'air frais dans ce monde de jeux de guerre. Mais ça n'est pas une surprise, ça, cette année, ce Splinter Cell-là, genre qu'on n'avait pas trop parlé, puis tout, quand ils ont sorti. Non, il n'y avait pas grand... Il y avait pratiquement personne qui en avait parlé. Ouais, c'est quand même une bonne surprise. Mais moi, dans le sens que, tu sais, c'est pas le premier jeu que je vais m'acheter, là, sérieusement. Ouais. S'il sort en même temps que trois autres jeux, ça sera peut-être pas mon premier sur la liste, mais... Ben moi, quand j'avais joué à ça dans le temps, quand c'est sorti le premier pis tout, je trouvais que c'était un peu le poor man Metal Gear. Le Metal Gear des pauvres. Ben c'est ça qui est drôle, pourtant. Moi, j'ai toujours... Mais là, c'est rendu deux mondes bien différents. Oui. Mais moi, j'ai toujours préféré Splinter Cell. Ah non, ouais. Moi, c'était Metal Gear all the way, mon gars. Moi, le fait de pouvoir jouer dans le noir puis que personne te voit jamais, j'ai toujours mieux aimé les contrôles de Splinter Cell. Ah ouais? À ce jour encore, maintenant, je consiste à dire que les contrôles de Splinter Cell sont plus fun que les contrôles de Metal Gear Solid, mais c'est une opinion personnelle. Ouais. Mais celui-là, ce que je trouvais intéressant quand on a vu le gameplay, c'est que oui, tu y vas en mode furtif, mais aussi quand la marde pogne, t'es capable de te défendre, t'es pas nécessairement fait. Ouais. Fait que je trouve ça bien le fun, puis je trouve ça le fun aussi de se retrouver dans des environnements de jour une fois de temps en temps, parce que c'est plate d'être tout dans le temps noir, la nuit dans ouais, le noir, ouais, tu sais, ouais. en black light, tu sais, fait que c'est ça, tu sais, en night light. Fait que c'est ça, fait que bref, Splinter Cell Blacklist, très intéressant, très impressionnant, bien hâte de voir ça. Pour la suite... Parle-moi d'un autre jeu que j'aurais rien à dire dessus. On va passer très vite par-dessus celui-là, parce que probablement que tout le monde va en parler, sauf nous autres. Call of Duty Black Ops 2. Wow! Yeah! Ouais, on devrait faire un peu, man. Non, c'est ça. Même affaire que le premier, mais... Ben, tu sais, ça tourne en rond, sauf que là, la grosse twist de ce Black Ops-là, c'est que ça serait dans le futur. Ouais. Que là, il y aurait des environnements, des trucs qui nous impressionneraient. Il y a même des chevals. Il y a même des chevaux, man! Ouais, il va y avoir des chevaux. Tu vas pouvoir faire du cheval. Hey. Fait que moi, juste à cause de ça, ça m'intéresse. Mais aussi, tu sais, Black Ops 1 était super le fun. Les Call of Duty, Modern Warfare sont le fun. Puis je vais tout le temps trouver ça trippant de jouer à ces jeux-là. Mais ça m'excitera jamais avant qu'il sorte. Faut que je joue puis que j'aie du fun, mais sinon je trouve que c'est pareil comme tout le reste. C'est ça. Puis, pour moi, mais le démo de gameplay qu'ils ont fait au E3, je l'ai trouvé poche, ben franchement. Par rapport au premier Black Ops, là, la mission avec la présidente, puis que tu faisais du sniping, j'étais comme, OK, le, montrer du sniper pendant une présentation, c'est pas très action, puis c'est pas très impressionnant. Il se passe pas grand-chose. Fait que je trouvais ça moyen. Ça m'a pas excité trop. Fait que, coudonc, je suis sûr que ça va être super bon, parce que c'est tout le temps super bon, mais whatever. Après ça, il y a eu Resident Evil 6. Ouais, c'est pas le c'est le retour des zombies. On recommence à tuer des zombies. Ouais, on recommence à tuer des zombies. Mais il paraît que... Ben, je dis ça parce que j'ai vu du monde sur Twitter dire « Bon, finalement, on recommence à tuer des zombies. Ouais, ben, y avait-tu moins de zombies plus... dans les autres avant? » Ben, c'est parce que c'était pas mal plus des bébites. C'était des mutants, mais ça ressemblait plus à des zombies. Ah, ouais, ça ressemblait plus à un zombie niveau 25. Ouais, là, c'est ça. Hein? Il ouais, était trop mutant pour ressembler à un zombie traditionnel. Mm-hmm. Mais moi, ce que j'ai vu, m'a énormément plu parce que c'est plus action qu'avant, mais il y a un bon mix de survival horror aussi qui était plus vraiment là dans le cinquième jeu. Cinquième jeu, j'avais plus l'impression de jouer un jeu d'action. Ouais. Dans ceux-là, les zombies, ils font zombies en masse. Sauf que t'as l'air d'avoir assez de puissance de gun pour pouvoir les décimer facilement, tu sais. Mais ça a l'air bien, ça a l'air vraiment cool, Resident Evil 6, mais encore là, j'ai pas vu tant de choses que ça qui m'ont dit comme « Ah, celui-là, il est vraiment différent des autres. » Ouais. À part peut-être l'intelligence artificielle des zombies a l'air plus forte que dans le cinquième. Fait que, en tout cas, j'ai bien hâte de voir ça. J'ai pas tiré trop de conclusions encore, mais j'ai hâte de voir ça, Resident Evil 6. Je vais voir plus de gameplay, puis aussi peut-être l'avoir en main pour voir si ça marche. T'sais. On pense entre autres au dernier Resident Evil qu'il y a eu, qu'on a vu, c'était Raccoon City, puis c'était de la méchante merde. Ouais. Fait que, c'est ça. Là, on verra bien. On sait pas. On sait pas. Puis j'aimerais parler du fait que Usher était là, puis que c'était facilement 5 des pires minutes de ma vie. Colin. Présenter son jeu de dance. Ben oui. Mais c'est parce que j'imagine, tu sais, tous les geeks dans la salle, là. Rien à foutre de Usher. Il était comme, come on, get up. T'sais, il n'y a pas le choix. Je suis sûr qu'eux autres sont là avec le pad, puis ils font comme, tabarnak, man, je veux pas me lever. Moi, je veux voir d'autres jeux, là. Ça ah, m'intéresse si pas de te voir danser ici. C'est ça, tu sais. Puis de tout le monde qu'il devait avoir dans le crowd, c'est le même monde que nous autres, un peu, je pense. Exact, c'est pas des casual gamers. La danse, puis le fitness, là, ouais. C'est genre la dernière affaire là, qu'on voulait voir dans ce place-là. C'est sûr. Fait que là, ouais. D'inviter des gens. En tout cas. En tout cas, bel effort, dépenser pas mal de cash sur Usher. Mais à mon avis, le cachet de Usher aurait dû aller dans un autre jeu. Ouais, c'est à limite, tu mets ça sur un jeu. Là, pis fais ça... donc Mega Man 10, genre, avec ouais, cet argent-là. That's it, t'sais. Ou Smart Glass, transforme-le en manette à la place. Ah, oh, c'est clair. Ah, on est dans Microsoft, excuse, on peut pas faire Mega Man. Ouais, on est dans Microsoft. Ben, tu peux faire Mega Man, c'est Capcom. C'est-tu ouais, c'est ça, Capcom, c'est pour ça que je venais juste d'avoir. C'est disponible, ça, les Mega Man 8 tu et peux 9? Avoir, oui, tu peux avoir les Mega Man sur les consoles de Microsoft. Bon, fait que, bref, that's it pour la conférence de Microsoft. Puis pour ce qui est de l'animation de la soirée, ben de la matinée plutôt, pour Microsoft, c'était moyen. C'était oh, bien pas, ordinaire, pas, là, pas, puis c'était oubliable. Fait qu'on n'en parlera moi, pas. Moi, je suis pas là pour ça, là, mais pas en tout. Là, Non, mais des fois, c'est le fun d'être entertainé par la présentation. Ouais. Fait que là, il y a eu Sony qui sont arrivés avec leur conférence le soir. Ouais. Puis on a commencé... je sais pas si on a commencé de même. En passant, là, on passe beaucoup de choses dans notre line-up. On s'est fait des listes. Ça se peut qu'on se trompe des fois d'un jeu dans une conférence. S'il vous plaît, envoyez-nous pas de hate mail. Faites pas de menaces de mort ni à moi ou à Dominique. On est désolé, ça se peut qu'on se trompe dans nos jeux. Mais comme là, on vient de s'apercevoir live qu'on s'est trompé. C'est pas dans la conférence de Sony. Ouais. C'était dans la conférence de Microsoft. Il y a eu le premier gameplay de Tomb Raider. Ouais, c'est ça. Puis vraiment... Ben, c'est pas grave, ça va être disponible sur tout. Fait que, c'est ça, ça va être disponible sur... C'est ça. Ça serait écœurant, ça soit écrit ça hein, à la fin des trailers. Disponible sur tout. Bon, arrêtez de niaiser. Ça va faire, Colin, là, les exclus. Mais moi, Tomb Raider... Bon, vas-y, Bruno, là, toi, tu Man! Je t'ai vu tweeter là, qu'il y avait de la bave sur ton bureau. Ah là. Ouais, j'ai écrit « je suis en amour ». Mais c'est parce que moi, là, quand je trippe tellement sur ce type de jeu. Ce type de jeu-là. L'aventure, Indiana Jones style, ouais. Uncharted. Moi, c'est l'aventure, mon gars. Je trippe sur Indiana Jones. Je suis un kid d'Indiana Jones. Fait que moi, là, tu me donnes un héros qui mange des volets, qui a de la misère, que c'est caboteux son affaire. Il est vraiment loin d'être parfait. Mm-hmm. Puis, en plus de ça, tu sais, Lara Croft, la fille est super belle. T'sais, le modèle qu'ils ont fait, je le trouve vraiment génial. Ils ont enlevé le côté stéréotype de Lara Croft, la fille avec des méga seins, puis des yeux trop grands, puis je veux dire, c'est comme si c'est le mais fun. Tu vois, moi c'est ça qui m'a déçu. Mais moi, ça... Je trouve qu'ils en ont trop enlevé. Non. Elle est comme plus personne à cette heure. Puis là, je sais que tout le monde sont comme, oh, là, ça fait bien plus réel, puis tout. Mais je veux dire, la legacy... Toi, tu veux ton silicone. Non, c'est pas... Les seins, je m'en fous, mais son visage n'est plus le même. Tu sais, elle est vraiment la girl next door, là, à cette heure. Elle est plus la légende qu'elle est. Attention, là, ça... Tomb Raider, le nouveau Tomb Raider, ça raconte comment est devenue Lara Croft. Non, mais ça, je m'en fous de ça, mais je te parle de son visage. T'sais, elle a la même face avant puis après. Là. Mais là, elle a une face whatever. Alors qu'il y avait une vraie face de Lara Croft. Mais non, un regard dans ses yeux. Non, mais elle a changé de face souvent, Lara Croft. Si tu regardes les pochettes, là, si tu fais un blitz de pochettes, là, j'en ai fait un récemment parce que je faisais des critiques de la critique du dernier Tomb Raider, puis son visage a quand même changé une bonne couple de fois. Là. Ben, check le dernier, moi, je trouve pas, check le dernier Tomb Raider, tu vas voir, c'est Underworld, là. Il y a quand même un changement là, qu'il y a eu. Tu sais, c'est... Mais... Elle n'a pas tout le temps eu son espèce de nez en rectangle, tu sais, les yeux, je pense que c'est dans les yeux ouais, que ça mais se passe. Elle avait des yeux félins, tu vois, elle ici. Elle est très cartoonesque. Ouais, mais c'est ça. Puis là, elle a plus des yeux. En fait, elle a tout le temps de l'air fâchée. Mais c'est mais que là, présentement... elle n'a plus de l'air fâchée. Non, elle a de l'air toujours en détresse. Ben oui, mais c'est ça qu'il faut. Parce que moi, j'ai vu il y a un développeur, le développeur du jeu qui a parlé du jeu aujourd'hui, puis qui disait que lorsqu'on assiste à la naissance de Lara Croft, pas la naissance que vous allez être dans une salle d'hôpital en train de sortir des jambes de votre mère, mais tu sais, la naissance du personnage, comment qu'en est arrivé. Fait que là, t'es en train de me dire que là, elle a de l'air un petit peu innocente puis perdue, puis il arrive des accidents, puis par après, quand ils vont avoir fini de rebooter, qu'ils vont être re-rendus au cinquième, là, elle va redevenir méchante. Elle va devenir badass, elle va se faire poser des seins, elle va se faire agrandir les yeux, puis elle va gagner sa confiance. Présentement, elle n'a pas sa confiance. Si c'est ça, je suis d'accord. Ça a l'air que quand tu tues ton premier, parce que t'es dans un bateau, puis le bateau crash, puis tu tombes là, t'as aucune expérience. Fait que là, t'arrives sur une île, puis là, tu dois manger, tu dois survivre. Fait que là, tu tues ton premier cerf, tu fais ton premier kill à vie, t'as jamais rien tué de ta vie, puis ça te traumatise, puis ils disent qu'ils ont passé un temps fou sur ça, juste pour le côté émotionnel du personnage. Pis moi, je trouve ça fantastique. Ben, ça, c'est très ça cool. Ça me fait d'abord triper de savoir qu'une équipe a passé du temps là-dessus, puis aussi, son premier kill humain, comment ça se passe, le fait qu'à toutes les fois où elle fait quelque chose, du début jusqu'à la fin du jeu, il y a une progression en tant que héroïne. Au début, elle commence puis elle réussit rien, elle mange des volets, elle se fait mal, elle se plaint. Ouais, elle se plaint beaucoup, ça m'a dérangé. Mais si oui, tu mais dis c'est que c'est ça. Un build-up, c'est un build-up. Là, je suis d'accord. C'est un build-up. Imagine, là, mon gars, là, que toi, je te pitch d'un hélicoptère dans une jungle. Puis que là, il y a du monde avec des mitrailleuses après toi. Je la trouve malgré tout très agile à l'arc si elle a jamais rien tué avant. Là. C'est sûr, mais en même temps, ce qu'on voit là, ça nous présente le concept. C'est sûr qu'ils nous présenteront probablement pas. Si c'est le cas, en passant, j'espère que c'est ça. Mais si c'est le cas, je pense pas qu'ils vont nous montrer le bout où elle tire à l'arc puis que ta mère, elle bouge tout le temps parce que t'es pas bon, tu sais. Ouais. Fait que c'est ça, tu sais. Moi, je trouve que... Je trouve que c'est très intéressant. Tout le monde fait des références à Uncharted, mais avec ce que j'ai vu, j'ai l'impression qu'ils ont pris exemple sur Uncharted, puis ils ont amélioré Uncharted en faisant Tomb Raider. Puis c'est ça qui est drôle, c'est parce que Uncharted est inspiré de Tomb Raider. Puis là, c'est Tomb Raider qui s'inspire d'Uncharted. Fait que je trouve ça fort que ça sonne même. Puis tant mieux que ça sonne même, parce que c'est juste nous autres les gagnants au final. Là, ouais, ouais, ouais. Puis non, moi, je garde. Je suis en amour profond. Là. Ça, c'est. Ça, moi, dans tout le E3, de toutes les annonces qu'il y a eu, c'est le jeu que j'attends. Le premier jour où ça va être en vente, je vais être devant le magasin avec mon cash dans les mains. J'ai hyper hâte de jouer à ça. Ouais. Ouais, ça a l'air génial. Je suis hyper excité. Là. Ça n'a pas de bon sens. Ben écoute, on va te désexciter immédiatement. On va parler du gros volant de l'amour. Qu'est-ce que c'est ça? On n'a pas besoin d'en parler pendant c'est très longtemps. Drôle, ouais, t'as juste besoin de dire ça, le gros volant d'amour. C'est vraiment laid, là. C'est dégueulasse. Fais juste un search sur Google, là, à Move Steering Wheel. Ouais, c'est ça. Puis c'est dégueulasse. Ça va de bon sens. C'est vraiment le pire périphérique c'est ever. Ultra. Ah, puis il y a full gros bouton là-dessus. C'est comme une manette géante que tu mets ton affaire. Oui, ça a l'air comme un Starfighter, je sais pas trop. C'est un cauchemar, là. Tu sais pas où mettre ça. C'est gros, c'est laid. C'est vraiment anyway, laid. La move, man, c'est pourri. Ah, pis, ça marche pas, la move. Ça va nulle part. En tout cas, je voulais juste mentionner. C'est une espèce de gros volant bizarre, là. Oh, un vrai cauchemar. Mais c'est très drôle, ça se placer juste en dessous de Tomb Raider. Genre, on va te couper ce sec, mon gars. Pense au gros volant de la move. Ben, ça a donné une même. Mais écoute, on va rebondir là avec Sly Cooper. Oui, ça, ils l'ont pas présenté tout, à la conférence vraiment, mais ils en ont parlé durant le 3. Oui. Ça, regarde. Thieves in Time, ça raconte un peu, je pense, les origines puis tous les ancêtres de Sly. Exact. Puis ils se ressemblent tous beaucoup en fait. Oh, oui. Mais ça, puis je pense que tu peux revenir dans le temps puis jouer avec le temps. En tout cas, ça a l'air d'une belle twist. Puis c'est une super belle série, ça, Sly Cooper, là, vraiment. C'est vraiment bon. Les trois sont très bons. Présentement, en passant, sont en vente sur le PlayStation Network. Si vous voulez les acheter, au lieu de 10$ chacun, sont 6$ chacun. Wow. Ça vaut vraiment, mais vraiment la peine, là. Mm. Ça fait 18$ pour les trois jeux. Je conseille le troisième, évidemment, plus que les deux autres. Peut-être que le deuxième est un petit peu meilleur que le troisième, mais le troisième, technologiquement, est le plus avancé. Ouais. C'est des versions HD, dans le fond, qui ont refait de ces trois classiques de PlayStation 2. Exact. Donc, intéressez-vous à Sly Cooper. C'est vraiment un beau petit platformer. C'est vraiment cool. Mais, hein. 3D, là, vraiment, t'es un voleur. T'es un raton laveur, voleur. Puis, il y a plein de gimmicks là-dedans. C'est super sympathique. Vraiment le fun. Puis, en plus de ça, le jeu va sortir sur PS Vita en même temps. Ouais. Ça va être exactement le même jeu. Ce que je me demande, c'est que là, Sony pousse vraiment le concept pay once, get everything. Mm-hmm. Fait que là, si c'est le cas, ça voudrait dire que si j'achète la version PS3, je vais avoir un voucher pour la version PS Vita, puis vice-versa. J'aimerais ça que ça soit le cas. Ça serait vraiment écœurant. Mais si c'est pas le cas, regarde, moi, je suis pas mal certain que je vais l'acheter pour la Vita, vu le peu de jeux qu'il y a sur la PS Vita pour l'instant. Fait que vraiment Sly Cooper, c'est une valeur sûre depuis pas mal tout le temps. Depuis longtemps. Puis les gens qui ont travaillé sur le quatrième jeu, c'est pas les mêmes qui ont fait les jeux originaux. OK. Sauf que c'est ceux qui ont fait les versions HD. Puis les versions HD sont tellement réussies que j'ai aucun doute que ça va être super bon. C'est super beau en tout cas. Oui, vraiment là. Mm. Puis par la suite, Beyond. Oh! Des créateurs de Heavy Rain. Ouais. Puis là, ils ont dévoilé que c'était Ellen Page qui était l'héroïne, finalement. Puis ça, mon Dieu, vraiment, là, Beyond, ils ont présenté une scène où elle parle avec. Elle parle pas vraiment, elle est détenue dans un centre de police avec il y a un policier qui l'interroge, qui demande de l'aider. Un genre de marshal, là, redneck, un peu, à la Rambo. Mais tu sais, tu vois vraiment que la CIA, pas la FBI, qui? On va voir un SWAT qui arrive puis qui essaie d'attraper cette fille-là. Puis finalement, on se rend compte que elle a des espèces de pouvoirs paranormaux, je sais pas trop quoi. Elle peut faire exploser du stock, puis elle peut détruire du stock. Mais on sait pas comment elle fait encore. On sait rien, c'est flou, mais ça parle de la vie après la mort. Puis ça match là, la mort. Ça a un gros rapport avec la mort, en tout cas. Puis ce qui se passe beyond. Donc, ça a l'air d'être une méchante twist, mais c'est clair qu'il doit y avoir tout un punchline à la fin de ce jeu-là. Écoute, c'est un film, encore une fois. Moi, j'ai une confiance aveugle en Quantic Dream à cause de Indigo Prophecy et Heavy Rain. C'est des jeux phénoménaux. Là. Puis, je veux dire, quand on parle de se rapprocher d'un film, on peut pas être plus proche que ça. Là. C'est vraiment bon. C'est ça. Juste la bande-annonce de Beyond qu'ils ont présentée à la conférence, c'était fort en tabarnouche. Là, je veux dire, c'était comme un film, là, c'était la même chose. Puis là, de savoir en plus qu'il y a une actrice de renom qui est derrière ça, moi, ça fait mon affaire. Là, je suis vraiment content. C'est clair. Fait que moi, j'attends ça avec impatience. Ça va être un beau produit. Puis pour continuer, PlayStation All-Star Battle Royale. Ou le Super Smash Bros. Station. Ça, c'est drôle parce que je pense que c'est Joystick qui avait souligné ça. Quand le trailer est arrivé sur YouTube, sur le channel de PlayStation, PlayStation avait écrit dans les keywords Super Smash Bros. Ah, Brawl. Ouais, sûrement. Puis ils l'ont retiré pratiquement tout de suite quand il y a eu la nouvelle, tu sais. Mais tu sais, c'est comme, tu peux pas faire ça, comment on le sait déjà, mais tu sais, tu fais pas ça, là. Donc c'est ça que c'est un Smash Bros. C'est avec tous les personnages de PlayStation. Ouais. Ben, ou en tout cas un paquet. On a vu Kratos, on a vu Sweet Tooth. Une Fat Princess. Ouais, ils ont mis Parappa the Rapper, Sly Cooper. Parappa the Rapper, pareil. Ouais, il y a les Elgas de Killzone, il va avoir Nathan Drake de Uncharted, il va avoir Big Daddy de BioShock. Il y a des paris qui sont ouverts à savoir s'il va y avoir un char de Gran Turismo. C'est vrai, cette affaire-là? C'est toi qui viens de dire ça? Non, j'ai vu ça sur Twitter. Wow, c'est tellement la meilleure joke ever! C'est drôle. Un char! Parce que qui donc? C'était écœurant! Wow! Ça a-tu l'air bon? Moi, j'ai... Oui, non, mais c'est parce que moi, au départ, quand je l'ai vu, je me suis dit, been there, done that, mais... Ouais. Les gens qui l'ont essayé dans les médias ont vraiment trippé fort, là. OK. Fait que je me dis, il doit bien avoir quelque chose là-dedans. Puis moi, ce que je trouve intéressant de tout ça, comparément peut-être à Super Smash Bros., c'est les tableaux, puis la façon que les univers se mélangent. Les tableaux ont l'air peut-être un petit peu plus interactifs que ceux-là de Super Smash Bros. OK. Fait que ça, moi... Ça m'intéresse beaucoup. Là. J'ai bien hâte de voir qu'est-ce qui va se passer avec ça. Puis évidemment, Nintendo vont faire la même affaire que... Pas Nintendo, tu veux, justement. Sony vont sûrement faire la même affaire que Nintendo, c'est-à-dire qu'ils vont présenter un nouveau personnage à toutes les deux semaines jusqu'à temps que le jeu sorte. Ça fonctionne tout le temps. Ils ont dit que le jeu sortait sur PS3 et PlayStation Vita, une fois de plus. Par contre, je me demande comment je vais arriver à jouer à un jeu de même sur PS Vita puisque les personnages sont tellement petits dans l'écran. C'est petit, hein? Sur Super Smash Bros, c'est souvent comme ça. Sauf que il y a plus de zoom dans Super Smash Bros. Fait que je sais pas. Je me demande jusqu'à quel point ça va fonctionner sur Vita. Je suis pas encore convaincu. Je cherche quelque chose depuis tantôt. Mais toi, tu cherches quoi, là? Il y a un jeu de bataille qui existe. Ça fait très longtemps que ça existe, avant tout ça. Puis c'est un jeu de gem. Il y a des diamants, là. Tu te bats. Power Stone? Power Stone, c'est ça. Gemstone. Power Stone. Mais oui. Power Stone, ils l'ont ressorti sur la PSP. Ils ont sorti une collection. Power Stone 2, c'est ça. Ça me fait tellement penser à ça, moi, ce jeu-là. Ouais, sauf que Super Smash, c'est sorti avant. Ouais, non, je sais. Mais je sais pas pourquoi, mais le look... Ouais, ça fait penser à ça quand même. Mais tu sais, en même temps, regarde... Ben, on réinvente rien. Exact, là, on réinvente rien. C'est un genre qui existe déjà, fait coudonc. Ben, c'est sûr que c'est un bon jeu de brosse, là. Oui! Tu sais, de bataille de même, c'est pas compliqué. Ben, non, ça n'a pas de l'air. Je suis persuadé que ça va être le fun. Puis, une affaire que j'ai trouvée bien intéressante du développeur, c'est qu'il disait que t'as un power-up qui monte sans arrêt plus tu fais de kills. Ouais. Puis, tu peux décider de l'utiliser tout de suite ou d'attendre à ton power-up ultime puis de l'utiliser. Mm-hmm. Ça aussi, c'est bien intéressant. Mais c'est ça. Puis le fait que l'environnement interagit puis tout ça, les personnages, c'est sûr, regarde-moi, t'as poché du monde en tant que parapas de rapper, j'aimerais bien ça. Fait que on verra bien. Oh. Moi, c'est ce genre de jeu, il va falloir que je joue pour me faire une idée parce que pour l'instant, je me dis, bon, c'est la même affaire que Super Smash. Fait que... Peut-être à Tremblant l'année prochaine. Ouais, hein, c'est vrai. Ça serait pas pire. Fait qu'après ça, ils ont fait la présentation des jeux de PS Vita. Comme ouais, les classiques de PlayStation 1 vont être disponibles pour la Vita maintenant. Ouais. Donc, c'est cool. C'était pas possible avant. C'était pas possible. Fallait que tu joues via ta Vita à travers ceux-là que tu as downloadé sur ta PS3. Exact. Fait que maintenant, direct dans ta Vita. Ouais. Je voulais juste le mentionner. S'il y en a qui trippent sur les vieux jeux de PlayStation. Non, c'est bien. Reste à savoir à quelle fréquence on va les avoir. C'est ça. C'est juste ça, là, parce que il y a des belles promesses, de même, ça arrive souvent, mais ils ne donnent pas de timeline. T'sais, ils ne disent pas quand est-ce que tu vas les avoir. Mm. Ils ont aussi annoncé le nouveau Call of Duty Black Ops Declassified, ouais. Qui est un Call of Duty original pour la Vita. Donc, ça nous intéresse, sauf qu'encore là, aucun gameplay, aucun screenshot, rien, juste une annonce en disant que ça s'en vient aux fêtes. Ils ont aussi fait l'annonce de Assassin's Creed 3 Liberation pour la Vita, qui est un titre exclusif pour la Vita. Ouais. Ça, par contre, on a vu un peu de gameplay. On a vu que le personnage principal, est une femme. Ah oui, c'était ça. Puis ça se passe en Nouvelle-Orléans. Oui. Ouais, exact. Puis moi qui n'ai pas intéressé à Assassin's Creed normalement, là, ça m'intéresse parce que sur la PS Vita... T'aimes ça les chicks. Oui, j'aime ça les chicks. J'aime ça les chicks, puis en plus de ça, sur la PS Vita, il n'y a pas un L2 puis un R2. Mm-hmm. Fait que je me demande si on va courir de la même façon puis on va s'agripper de la même façon. Finalement courir mieux. Exact. J'aime pas les contrôles. Les meilleures options. Exact. Ouais. J'aime pas les contrôles d'Assassin's Creed, fait que ça va peut-être fonctionner pour moi parce que le jeu m'intéresse. Assassin's Creed, ça m'intéresse, mais j'aime pas les contrôles. Ouais, fait que je suis en train d'essayer de jouer à Assassin's Creed 2 présentement. Je suis juste au début, je suis même pas encore un assassin. Faut que je cours sur le top d'une église, que je batte mon frère à la course. Puis les contrôles sont tellement merdiques. Je veux grimper sur le mur, puis je fonce dans le mur. Ouais. Là, je saute sur le mur, puis je bounce en arrière. Je suis comme, je veux juste grimper sur le mur. Peux-tu me faire grimper sur le mur, s'il te plaît? Puis là, ben, j'ai pas le temps. Fait que je suis mort, puis je fais rien que ça, essayer de battre mon frère. Donc, c'est ça, mon expérience d'assassin à venir jusqu'à la date. Vraiment, là. Oh. Mais j'ai trouvé, c'est ça, comme tout le monde, j'ai quand même été déçu par la présentation des jeux de PS Vita parce que. Il aurait pu faire tellement mieux parce que des dernières semaines, on a eu beaucoup de trailers. Si vous regardez sur Rétro Nouveau, on a mis quand même pas mal. Je dirais qu'il y en a probablement une bonne dizaine. Ouais. Puis, ils n'ont pas été présentés durant la conférence. Il aurait pu faire un blitz rapide juste de trailer, montrer ça rapidement, montrer qu'il y a du stock qui s'en vient sur la Vita. Mais à la place, ça a été très, très court comme introduction à ces deux jeux-là. C'est vrai. Puis, il n'y a pas eu un gros suivi. Par la suite, Jack Trayton, qui a fait la présentation de la conférence, a dit à Game Trailers qu'il y avait au-dessus de 60 jeux qui allaient être disponibles d'ici la fin de l'année, ce qui n'est pas rien quand même. Ouais. C'est un bon line-up. Puis, il va avoir au-dessus de 60 jeux. Et en plus de ça, il a dit que c'est ça, les classiques de PS1, ça s'en vient, puis tout ça, puis ils disent, bon, ben c'est sûr que ça prend du temps, la PS Vita est à son quatrième mois, ce qui est quand même pas gros, ça fait pas longtemps, hein. Elle vient d'arriver, fait que donnez-nous du temps, puis c'est ça, d'après moi, tu sais, jusqu'à maintenant, comme j'ai dit un peu tantôt, Sony sont plus du genre à attendre et faire les affaires comme il faut que rusher quelque chose puis que ça soit de la merde. Ouais. Donc, c'est bien ça. C'est bien. Mais ça, on précise en passant, c'est les affaires qui sont développées par Sony, par leur studio de Santa Monica, des trucs comme ça. Pas des affaires comme Resistance, Burning Skies qui sont faites à l'externe puis que ça fonctionne pas là. Fait que je comprends ça, puis dans le fond tant mieux. Regarde, si c'est ça puis qu'on a des bons jeux au bout de la ligne. Sony jusqu'à date nous a montré que au départ sont jamais les gagnants, puis dans long run ils finissent par gagner. C'est ça. Fait que ça va peut-être être ça qui va se passer avec la PS Vita. Mm. Fait qu'après ça, bon, évidemment, God of War Ascension, ouais. Qui m'ont pas excité. Ben non, c'est comme les autres, là. C'est comme les autres, puis tu sais, c'était on dirait qu'il y avait un skill de, je sais pas si c'était dans le dernier parce que j'ai pas joué, mais que tu pouvais revenir dans le temps pour faire reconstruire des choses qui se sont écroulées, un peu à la Prince of ouais, Persia. Ouais, non, ça j'avais pas vu ça. Ouais, ouais, il y a comme de quoi qui éclate à côté de lui, mettons, ouais. Ça s'écroule, puis là ça devient vert, puis il est capable de revenir dans le temps ou peut-être même pas de revenir dans le temps, mais avec un certain pouvoir de le reconstruire, c'est ça. Non, ça, j'avais pas vu ça. Mm. C'est comme un Lego Kratos. Ça t'en plaint, ça, man. Mais toi, t'es connecté. Hein. Ben, c'est que je suis connecté, man. Puis c'est ça, l'affaire qui arrive là-dedans, c'est que, ben, premièrement... Un éléphant pour terminer un trailer, les gars. Il ah, était quand même violent, l'éléphant, là. God of War Elephant. Non, mais je... Attends, je vais te le montrer, là, ici. C'était pas un démo qui m'a apporté autant de satisfaction que celui du troisième. Dans le troisième, faut dire qu'il y avait de l'action en salle, là, par exemple. Il y avait vraiment de l'action. Regarde, là, c'est ça. Oh, là, il oui, utilise un ça. Pouvoir, puis il reconstruit. Il y a comme là. Un nouveau pouvoir qui lui permet de reconstruire des affaires. Ouais, c'est ça. C'est intéressant, mais c'est pratiquement la seule affaire que j'ai vue de nouveau. Le reste, c'est pas mal tout du stock qu'on a déjà vu. Puis l'année passée, on nous a présenté pas l'année passée, mais il y a deux ans, on nous a présenté un Kratos qui est capable de pogner un gars puis de le rentrer dans le mur. T'sais. Mm-hmm. Il y avait comme une nouvelle habileté dans ses combos de base, puis je trouvais ça vraiment cool. Ouais. Je suis sûr que le jeu va être écœurant. Là. Il n'y a pas un God of War qui a été mauvais jusqu'à date, mais celui-là, ça ne l'a pas fait pour moi. J'ai hâte qu'il sorte, puis j'ai bien hâte d'y jouer, mais je pense que peut-être les prochaines vidéos vont être plus impressionnantes que celui-là. Celui-là m'a pas... Ça l'a pas fait. Là. J'aurais peut-être terminé avec un gros monstre, puis peut-être pas un monster, un Hydra, genre dans l'eau. Ouais. Je sais pas, c'est peut-être pas la meilleure affaire. Puis aussi, ils ont présenté le multijoueur en premier, avant tout. C'était comme un drôle de move. Ah, il y a un multijoueur de ça, j'ai ouais, même pas vu. Il y a un multijoueur de God of War, puis ils l'ont présenté avant que le 3 arrive. Ok, ok. Puis c'est juste un combat entre chum, entre 2-3 gars, puis en plus de ça. T'as un cyclope qui est derrière puis qui essaye de vous détruire en même temps que vous vous battez. C'est tellement pas un... C'est moyen. Pis c'est pas genre un jeu joué en multi. En multi, il me semble God of War, mais pas tout. Moi, je jouerais en co-op. À God of War, là, ouais. Je jouerais en co-op. J'aimerais ouais. bien ça. Là, promène mais... à deux puis tu fais le ménage. Ouais, exact. T'sais. Ouais, c'est clair. Mais c'est ça. Je suis sûr que ça va être cool, mais c'était un peu plus de la même chose, puis ça m'a un peu déçu, mais bon, garde, on n'a jamais été déçu par Kratos jusqu'à date, je vois pas pourquoi ça commencerait maintenant. Effectivement. Fait sinon, gros jeu après ça, que tout le monde a trippé au bout, The Last of Us. Ah, mais man. Attends un peu, là. Ça, c'est c'était pas... C'était magnifique. Là, t'avais pas parlé de ça dans un épisode précédent? Oui, j'ai parlé de ça dans un épisode précédent parce que j'avais mis la bande-annonce sur retronouveau.ca. Attends, là, je me trompe avec l'autre jeu qui est un genre de point and click, là, qui est basé sur un comic qui est des zombies, que t'es un... Ah, non, toi, tu parles de Walking Dead. Ah, Walking Dead, c'est non, ça. Non, The Last of Us, c'est autre chose. The Last of Us, c'est la même équipe qui ont fait Uncharted. Là, ça, c'est la prochaine affaire. C'est plus Uncharted. Puis, c'est... on pourrait dire que c'est le film The Road, mais... En jeu vidéo. Okay. Ce qu'on s'aperçoit là-dedans, c'est que on est deux survivants à une espèce. Il y a eu un microbe, un fungus, mm-hmm. qui a infecté certaines personnes. Puis à cause de ça, il y a eu une épidémie. Puis la race humaine est pratiquement plus là. C'est la végétation qui a pris le dessus. On est dans une ville complètement déserte. Puis, ouais. On se bat pas seulement contre les infectés qui ressemblent un peu à des zombies, mais ben, qui j'en sont ai même pas des zombies. Des infectés dans le trailer. Mais c'est ça, c'est que là, présentement, pour se démarquer de tous les autres jeux, puis j'ai l'impression aussi que ils ont fait ça aussi, d'après moi, pour montrer que c'est pas ça. C'est pas un jeu le de gros du jeu. C'est pas un jeu de zombies, là, The Last of Us. C'est vraiment un jeu de survie, mais contre des humains. Parce que. C'est ça, il y a un autre clic là-dedans. Là, qui... Ben, il y a d'autres mondes qui sont là, puis les gens qui sont là, ils essayent d'avoir des rations, des armes pour se défendre. Tout le monde se bat pour sa survie. Fait que toi, tu vas peut-être te battre contre un dude qui essaie de te sacrer des coups de briques parce que lui, il a pas de gun. Là. Ouais, c'est ça. Puis si t'as un gun, t'as 5 balles, mais t'en as pas d'autres. Fait que là, ça, si tu bats un gars, faut que tu réussisses à pogner ses balles. T'sais. Fait que c'est ça le but de cette histoire-là. Oui. C'est juste un survival qui... Mais pourquoi les gens, ils s'aident pas au lieu de se tuer? Pourquoi pas s'unir? Pourquoi pas s'unir? Ben, tu sais... J'ai pas lu l'histoire, mais il doit y avoir une histoire plus... Tu sais, il y a de quoi qui se passe. Ouais, il y a une histoire plus deep là-dedans, c'est sûr et certain, mais on n'a pas grand détail jusqu'à la date. Le fungus, d'ailleurs, je n'avais déjà parlé à M. Net, c'est une bactérie, un virus qui existe. Okay. Ça existe chez les insectes. Ce que ça fait, c'est que c'est sur les plantes, puis les insectes qui touchent à ce virus-là, sont possédés par la plante, puis c'est la plante qui contrôle leur mouvement. Mon Dieu. Puis ils ont des espèces de grandes tiges bizarres qui leur poussent sur le corps. OK. Puis si vous regardez le site web de The Last of Us, vous allez voir un petit vidéo de la BBC qui montre clairement ce fungus-là sur une vraie fourmi. C'est quelque chose qui existe pour vrai. Okay. Donc, ce qui est présenté dans ce jeu-là, c'est quelque chose qui pourrait vraiment nous arriver. Oh. Fait que c'est vraiment épeurant. pis... Ça me prendrait ça, moi, des plantes de même pour les fourmis que j'ai ici. mais c'est ça. Bref, un concept bien intéressant. Encore une fois, développement de personnages hallucinant. Il y a un survivant, un tough guy, que tu incarnes, c'est ton personnage. Puis il y a une autre fille, une pré-ado qui est avec toi. Puis dans la première bande-annonce, elle disait qu'elle, depuis qu'elle est née, tout ce qu'elle connaît, c'est sauver puis survivre. Ah, okay. Ça veut dire qu'elle a tout le temps vécu là-dedans. Elle sait pas c'est quoi le monde qui se lève pour aller travailler, ouais, prendre leur café puis tout ça. Okay. Fait que, bref, un jeu vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Là. J'ai bien hâte de voir comment ça va jouer. Ah, ça, si génial. Ça va être... les séquences d'action sont ultra violentes. Ouais. Genre, tu pognes le gars, tu lui pètes la face dans le comptoir, tu sais, puis tu lui donnes des coups de crosse, des coups de gun. Ah, c'est très cru. C'est cru, là. C'est incroyable la façon de tuer le monde là-dedans. Là, ouais. Puis la fille, elle t'aide aussi à certains moments quand t'es mal pris. Mais c'est du tuage, là, ultra violent, puis froid, là. Ah, c'est de la survie, là. C'est vraiment de la survie, aucune pitié, là. c'est intense, très intense. Ils ont montré aussi, parlant d'un autre jeu, ils ont montré une séquence d'ouverture d'Assassin's Creed 3 en bateau de pirate. Ouais, c'est ça. Ben, t'es-tu un pirate? Non, t'es pas un pirate. Non, c'est ça. C'est des bateaux de... Bateau puis pirate, pour moi, ça va tout le temps ensemble. fait que je m'excite trop vite, t'sais. Non, mais, ben, si on se fie à ce que c'est ça se passe en Amérique, Assassin's exact. Creed 3. Donc là, je suppose que c'est un bateau whatever qui va se battre contre des Anglais. Ouais, j'imagine, mais j'ai trouvé ça le fun. Oui, c'était bien fait. J'ai trouvé ça fait. Vraiment cool, c'était super bien fait. Puis juste ça m'a plus intéressé que... Ce que j'ai vu par la suite avec Ezio ou whatever qui court dans le bois, dans la neige, ça m'a comme... Ça m'intéresse pas. Ben moi, j'ai trouvé ça joli. Ouais. Même affaire, mais dans mais le moi, bois. Mais moi, c'est le bateau. Le bateau l'a vendu pour moi. Puis après ça, tout seul dans le bois, c'était comme... Ouais. Je trippais moins. Puis j'aimerais ça parler de Wonderbook. Ben oui, j'aimerais ça. Avec ta move, sais-tu que tu peux faire de la magie? Tu peux faire de la magie, man. Puis t'es illuminer un livre que tu mets par terre quand tu t'assis en indien. Ah, c'était là tellement... Oh, man, c'est tellement pas pour nous autres. Mais tu sais, c'est J.K. Rowling. Ouais. C'est ça son nom? Oui, exactement. Rowling. C'est J.K. Rowling, l'auteur de Harry Potter qui a inventé ça. Donc, quelque chose de vraiment merveilleux. C'est un livre de magie que tu peux apprendre les spells de magie de la gang à Potter. Ben oui. Et c'est-tu pas fantastique? C'est magnifique. Fait que c'est ça. Tu prends ta move, puis tu fais des shots de baguettes dans les airs, puis tu unlocks des choses quand tu deviens bon. Il y a des choses qui s'animent sur ton livre, puis c'est magnifique. magnifique. C'est ça. En tout cas, c'est vraiment pour les enfants. Là, c'est vraiment pour les enfants. Moi, je ferais jamais ça. Mais moi, ils m'ont perdu, mon gars, quand ils ont mis ça. Mais ils en ont parlé longtemps. Tu voyais que c'était comme la section pour booster la move. Là. Vraiment. Puis, en tout cas, ben, je salue l'effort. Tu vois, c'est pas n'importe qui. Salue l'effort. Ils ont eu J.K. Rowling, c'est quand même pas rien. Peut-être que ça va être, c'est super bien fait, peut-être. Mais bon, fou, mais totalement. Oui, ben, red, là, c'est pas moi qui vais acheter ça. Puis aussi, moi, c'est que j'aimerais ça que le PlayStation 1 ait une meilleure qualité. Visuellement, le PlayStation 1, là, ça donne vraiment des mauvais résultats. Fait que je suis moins motivé. Mais anyway, c'était ça pour la conférence de Sony. Sony qui a donné une conférence c'était une bonne conférence. Des bons jeux. Mais c'est ça, c'était surtout des bons jeux. Là, OK, Nintendo. Ben, c'est parti pour Nintendo maintenant, dernière conférence. Ils ont ouvert ça avec un petit vidéo fort sympathique de Pikmin 3. Oui. Puis, ben moi, j'ai jamais joué à Pikmin. Là. Moi, j'ai déjà joué à Pikmin, j'ai décroché. Ouais. C'est pas exactement mon genre de jeu, mais je l'ai trouvé super beau, le troisième sur la Wii U. Je trouvais que ça montrait quand même les prouesses de la machine. Ouais, c'est ça. Concernant le graphisme, là, c'était très beau. L'eau était super belle. Je trouvais qu'il y avait des belles textures. Puis ça avait l'air bien intéressant. Oups. Mais ben, c'est ça. C'est ça. Puis c'est un genre de jeu d'organisation, de crowd. Tu manages ton crew pour arriver à tes fins. Là, puis... je sais pas, on dirait que ça me tente pas de jouer à ça. Non, c'est ça. Moi non plus, ça m'excite pas trop. Fait que on va passer à d'autres choses. Passons à d'autres choses. New Super Mario U. C'est le même, ça dit New Super Mario U. New Super Mario U. Ok. Ben écoute, same shit, mais comme graphique plus beau. Là, exact. Dans c'est vraiment ça. Puis, tu sais, on n'a pas vraiment vu de grosses différences avec ce qu'on a eu jusqu'à date. La seule affaire qui est intéressante, c'est enfin avoir un Mario en HD. C'était la première fois qu'on voyait Mario en HD en mouvement. Fait que ça, c'est quand même bien intéressant. Puis c'est super beau. Graphiquement, il est super vraiment, beau. Vraiment beau. Dans les items, dans ce que tu peux être maintenant, les sauts, on dirait qu'il y a un saut de Paulatouche, c'est-à-dire d'écureuil volant. Qui te permet de voler, ça a l'air d'être une nouveauté, mais pour le reste, le platforming puis tout ça, ça semble être pas mal la même affaire. Tu joues à 4. Je sais pas avec le contrôle de la Wii U s'il y a quelque chose que je sais pas, peut-être qu'il y en a un qui peut jouer dans le jeu, l'autre il fait quelque chose avec son pad sur l'écran tactile, il actionne des choses. Peut-être, mais on dirait que non, par exemple, on dirait vraiment la même affaire. On dirait la même affaire, mais tu sais. Moi, ce que je trouvais intéressant de tout ça, c'est surtout de voir graphiquement où est-ce que ça s'en allait, parce que sinon, c'est la même chose. Il n'y a pas trop de différence, puis il n'y a pas trop de... Je suis pas émerveillé. L'affaire qu'on a tendance à oublier et à pas regarder, que moi, j'ai remarqué dans celui-là, c'est les backgrounds. Ah, ils sont profonds. Tu regarderas, les backgrounds sont vraiment, vraiment beaux. Là. Ben oui. Contrairement à ce qu'il y a d'habitude dans ce genre de jeu-là. Fait que... C'est vrai que celui-là, comment il est beau. On dirait une peinture de Van Gogh. Exact. C'est ça. C'est du beau stock. Mais encore là, moi, j'ai plus hâte de voir qu'est-ce que va avoir l'air le prochain Mario en 3D, genre Galaxy. Ou si c'est autre chose, ça sera autre chose. Mais une vraie grosse aventure de Mario. Là, New Super Mario Bros, pour moi, c'est plus comme un jeu de party, tu sais. Ouais, c'est ça. Je le vois moins comme une grosse aventure. Puis de même sa DS, puis sa 3DS, tu sais. Ouais. C'est le fun, mais. C'est le fun. Ça dépanne, on dirait. C'est ça, ça dépanne, effectivement. Fait que c'est ça. Fait qu'en plus, ils ont présenté Batman Arkham City Armored Edition, qui est dans le fond Arkham City, mais augmenté à cause des contrôles de la Wii U. Mm-hmm. C'est-tu le même jeu? J'ai comme l'impression que c'est un autre jeu complètement. Non, c'est exactement le même jeu. OK. La seule affaire qui a changé, c'est que maintenant, tu peux faire certaines choses avec la manette de la Wii U, avec le Gamepad qu'on appelle. On va commencer à appeler ça comme ça s'appelle. Ça s'appelle un Gamepad. En hommage d'ailleurs au Gamepad, au pad de la première manette de NES. Au pad de la première manette de NES. C'est ça. Fait que, tu sais, quand même assez... assez intéressant, pareil, pour ce qui est des contrôles, parce que maintenant, tu peux, disons, admettons que tu as besoin de trafiquer une machine, une serrure pour rentrer à quelque part, mais tu le fais avec l'écran. Ouais. Pour ce qui est de ton arsenal, tu le choisis sur ton écran aussi. C'est ça. Fait que moi, ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé pas mal le fun. Avoir ta map là-dessus, c'est quelque chose de bien. Après, installer moi, des c'est... bombes, shooter. Mettons, ouais. Batman, il met genre de l'explosif en aérosol sur des surfaces. Ben, tu le fais avec ton ouais, doigt tu fais ou ton tracé stylet avec ton doigt, ça va aller sur bien l'écran mieux, de ton pad. Puis après ça, tu l'actionnes en pesant sur ton pad. Ouais. Ça, c'est vraiment cool. Moi, d'ailleurs, j'adore jouer avec un pad, tu sais, puis un ouais. stylet, même des jeux de complètement faits en stylet ODS, j'adore ça. Fait que je suis bien excité de ce pad de Wii U-là. Ouais. Que tu peux, ça mélange les deux, là, tu sais. Oui, oui, vraiment, là. Ça a l'air vraiment le fun. Puis ils en mettent du stock là-dedans, ouais. là. On regarde le démo. Ben, ils te mettent, à vrai dire, c'est qu'ils te mettent tous les menus, tu sais. Ouais. Tout ce que tu as dans les menus que tu regarderais sur ton téléviseur, tu regardes là-dessus comme si tu regardais les informations d'un jeu vidéo. Ouais. Fait que, non, moi, je trouve, jusqu'à la date, là, le Game Pass, je trouve ça intéressant si c'est un complément du jeu. Mm. Tu sais, ça vole pas la vedette, c'est juste en complément, c'est là pour t'aider, c'est pas là pour être là pour ben, flasher. Là, non, c'est ça, mais je pense que des fois aussi, ça va être là pour ça va vraiment faire partie complètement du jeu. Oui. Tu sais, t'auras pas le choix là, de t'en servir, là, oui, oui. J'ai l'impression. Là. Mais en tout cas, moi, je suis quand même satisfait de ce que j'ai vu pour Arkham City. Ça me met la puce à l'oreille, mais en même temps, j'irai pas jusqu'à racheter le jeu ben, une autre fois. C'est ça fois, qui est là. Un petit peu plate là-dedans. T'sais, tout le monde, pas mal tout le monde a joué à ce jeu-là. Tout le monde l'a fait, à part, évidemment, les fans de Nintendo qui n'ont pas encore eu Arkham City sur la Wii. Ouais, c'est ça. Fait que peut-être qu'eux autres, justement, vont le découvrir pour la première fois. Puis tant mieux, parce que c'est un excellent jeu. Ben c'est, oui. C'est vraiment... Moi, c'était mon meilleur jeu de 2011. Fait que c'est vraiment un bon jeu. Fait que tant mieux si ça s'en vient pour la Wii U. Après ça, on a vu Scribblenauts Unlimited. Ce qui n'est pas un jeu nécessairement qui va être vendeur. Tu vends pas une machine avec tu ça. Tu vends pas une machine avec ça, tu l'as bien dit. Ouais. Attends un peu, j'essaie c'est de parce l'écrire. Parce que, tu sais, Scribblenauts, là, tu peux jouer à ça sur ton iPhone, puis ça va avoir l'air de Scribblenauts sur la Wii, ça va avoir l'air de Scribblenauts sur un ordinateur. Tu sais, t'as pas besoin d'un graphisme incroyable là, pour faire ce jeu-là. Fait que, il y a, quand y a de l'air plus la profond, Wii U, par exemple. On ouais. dirait ouais, ouais, plus d'interaction avec d'autres personnages. Je sais pas. Il y a plus de travail quand même. Puis il y a aussi, avec ton pad, tu vas pouvoir écrire les choses au lieu de les taper, genre, là, avec ton stylet. Ça risque d'améliorer ça, un cool. petit peu le contrôle. Oui, puis tu vas pouvoir aussi créer. La grosse nouvelle affaire dans la méthode, c'est que tu peux créer des objets. Ouais, c'est ça. Fait que ça, c'est puis ça. Tu c'est peux les envoyer fun. À tes autres chummers du Miiverse. Ouais. C'est ça le Miiverse. Exact, le Miiverse. Ou Miiuniverse. Non, le Miiverse. Fait que tu parles, je t'envoie ça, t'interviens, ouais. tu me le renvoies, tiens, on gosse avec. Pas quelque chose que je vais faire, je pense, mais quelque chose de le fun, quand ben, même. Ben, ça là. Dépend. Tu sais, si on fait de quoi de vraiment weirdo, je vais peut-être ça. Te l'envoyer. Un genre de gros pénis avec des roues de Bigfoot. Puis tout le monde le fusils. Sait, là. c'est ça, fait que moi je trouve ça super intéressant. Puis c'est sûr et certain que c'est un jeu que je vais acheter parce que Scribblenauts pour moi c'est vraiment c'est un bon jeu, c'est super hot. Si vous avez la chance, il l'a sur DS puis sur iOS. Puis c'est vraiment un jeu qui est fun. Il va l'avoir sur 3DS aussi. Nice. Fait que c'est très intéressant. C'est quand même un bon jeu. Mais de là à vendre la Wii U avec ça, je trouve pas que c'était un super move. Non. Après ça, on a vu... Parlant de mauvais move. Ouais, Wii Fit You. Ouais, Wii Fit You. Hey boy! Ah ouais, il y avait le petit coupe parfait là, de la ouais. fille trop hot. Puis comme j'ai vu encore sur Twitter, je sais pas qui a posté ça, genre... Il n'y a personne qui a de l'air de ça qui se sert d'une Wii exact. Fit. Là, t'sais, les gens qui ont de l'air de ça ne jouent pas ne avec jouent une pas. Wii Fit. Ils sont donc, au gym à la place. Ben, ils font la vraie affaire. Ils font la vraie affaire. Ah ouais, c'est ça que vous devriez faire si ben vous oui, pensez. Ben oui. Je comprends pas, moi, le délire du fitness. Là, c'est que ça marche, la portée de la main. Tu n'as pas besoin de t'acheter une machine elliptique. Tu sais ce que c'est, ça? C'est ça. Comme les infopubs, ouais. l'elliptique ou les guenilles qui te vendent de même. T'sais. Tu l'achètes pour donner bonne conscience, mais tu joues pas à ça. Non, c'est des attrapes nigo, man. Exact. C'est ça que c'est, le fitness d'un jeu vidéo. Ah oui. Moi, je trouve, en tout cas. Oh, oui, non, je suis sûr que ça mord la poussière. Ça prend la poussière dans toute tout le monde qui l'ont, ça sert jamais de ça. Là, c'est vrai. Mais en tout cas, moi, ça devrait finir un jour, ce règne du fitness-là. C'est deux mondes qui vont pas ensemble. En tout cas, vous irez voir les screen grabs de la présentation. C'est très drôle de voir la face du gars sur sa planche. C'est ça, puis New Super Mario Bros. 2 qui s'en vient au mois d'août sur la 3DS. Ça a l'air d'être la même affaire que l'autre, sauf que là, c'est orienté sur le gold, ça a l'air. Ouais. Ben de l'or, ramasse des pièces d'or, tout se transforme en pièces d'or. Mario se transforme en or. Là, je sais pas, tu vas-tu finir ce jeu-là, tu vas avoir genre 30 vies, là, 50 vies. Je sais pas, t'as l'air de faire des vies aux secondes. Mais c'est ça, encore une fois, un autre jeu qu'on a le goût de jouer, mais en même temps, on n'est pas vraiment excité. Là, c'est been there, done that plein de fois, puis là, tu viens de nous en montrer un pour la Wii U, fait qu'on n'est pas vraiment impressionné. Effectivement. Après ça, Paper Mario Sticker Stars, qui est le nouveau Paper Mario exclusif à la 3DS. Au début, on était comme excité. Oui. Puis là, on a regardé la conférence tantôt sur la 3DS, puis qui présentait ça, puis ça a comme été trop long. Ça, ça nous a ralenti. Puis on a comme décroché, mais solide, là. Ah oui. Parce que t'as du turn play là-dedans, comme à la Final Fantasy, dans le fond, que tu choisis tes armes, puis t'attaques, puis là, après, ben, tes stickers, puis après ça, c'est les Goombas qui t'attaquent, puis là, tu contre-attaques, tu sais. Puis tout ça a de l'air, je trouve, de ralentir le jeu ou de... En tout cas, moi ça me branche pas, ça. Non, j'ai comme envie plus. De leur sauter dessus puis de continuer de passer mon chemin. Je veux pas comme élaborer une stratégie de stickers. Là. Alors, non, je prends-tu ma carapace, je prends-tu mon gros soulier? Ouais. Mais moi, je pensais que les stickers, ils servaient en jeu, tu sais, à intervenir dans l'environnement. Peut-être que c'est le cas, là, je sais pas. On n'a pas écouté très bien, désolé. Mais tout ça pour dire que... On était bien partis, puis on a ramolli. Bon. Fait que c'est ça pour Paper Mario Sticker Star. C'est très beau, ça a l'air bien intéressant, mais pas sûr à sauter dessus. On va attendre de voir là, les critiques ou voir ce qui se passe un peu avec à la sortie de ça avant de se jeter là-dessus. Exact. Il y a eu Lego City qui m'a vraiment surpris, sérieusement. C'est comme Grand Theft Auto? Oui, c'est Grand Theft Auto, mais avec des Lego. Puis c'était quand même Keller, hein, ça s'envoyait promener un peu. Ah, c'est ça, Wii U, excuse. Fait que non, c'est ça, j'ai trouvé ça fort, tu sais, puis je me disais, ben, c'est le fun parce que... Lego City Undercover. Tu vas pouvoir... T'es un policier undercover, dans le fond, c'est ça? Ouais. Tu vas pouvoir jouer à Grand Theft Auto avec tes enfants. Ouais, c'est ça. C'est que, ils ont flairé la bonne affaire. Ils ont dit, wow, tu sais, ça, c'est vraiment une bonne idée, pareil, j'avoue. Là. Puis non, ça a juste l'air vraiment le fun. Puis moi, c'est tellement bien fait, là. Ouais. On dirait que tu joues pour vrai. Tu sais, moi, j'avais des Lego quand j'étais petit, puis je les faisais, puis je m'imaginais des univers comme ça. T'sais. Ouais. Là, c'est pour vrai. Là, ils sont là, sont vrais. Mais non, c'est le fun avec des vraies missions, puis c'est comme un sandbox. C'est pareil comme Grand Theft, mais avec des Lego. Ouais. Je trouve ça génial. C'est vraiment une bonne idée. Fait que, congrats. Moi, c'est un des jeux qui, bizarrement, m'intéresse pour la Wii U. Là. Ouais. Ah, il est vraiment hot. Après ça, ils ont parlé de Rayman Legends. Ça a l'air cool. Ça a l'air écœurant. Tu joues à plusieurs, là. Ouais. Puis, ben, comme Rayman, tu sais, Rayman Origins est tellement bon que ça pouvait juste aller mieux. Puis là, ils ont fait une présentation assez phénoménale d'un certain bout dans le jeu où tu cours. Puis c'est du rythme. C'est du rythme. C'est ça. Pendant que moi, je cours avec mon bonhomme, toi, de ton bord, avec ton pad, tu peux... un jeu comme tu pèses sur le bouton au bon moment pour débarrer des choses puis pour m'ouvrir le chemin là, finalement, puis ça fait une musique en background. C'est incroyable. Ça allait super vite, c'était hyper sympathique, hyper dynamique. Moi, j'ai trouvé ça génial. Quelle bonne idée d'incorporer un jeu de rythme à un jeu de plateforme, t'sais. Tellement. Puis à deux de même ou à quatre, c'est incroyable le fun. Puis le délire que ça fait, là, tu sais. Non, je trouve ça super cool. Moi, je garde... C'est malade. J'ai rien à dire. C'était beau, ce jeu-là. C'était superbe. Hot, là. Ça va être ça va être de la bombe. Là. Ça va être un excellent jeu pour puis la il va être disponible pour toutes les consoles. Fait que en même temps, c'est mais j'ai l'impression qu'avec le gamepad de la Wii U, ça rajoute un edge de plus là, qui va être vraiment trippant. Ouais, puis juste le fait de pouvoir continuer ta game. Ça, moi, c'est une affaire. Le gamepad de la Wii U, pouvoir continuer ta game sur le gamepad. Tellement pratique. Ça m'accroche. Ouais, moi avec. Parce qu'avec Sony, présentement, leur faiblesse, c'est qu'ils offrent ça. Mais des fois, il faut t'acheter les deux versions. Fait que là, tu sais, s'ils veulent avoir le monde qui vont aller vers Nintendo, faut qu'ils vendent une copie pour que tu aies les deux, là, absolument. Là. Fait que c'est ça. Moi, ça me convient tellement, ce gamepad-là. Là, tu sais, comme ta blonde veut écouter de quoi à TV, tu joues direct dans ton pad, tu continues ta game. Là, tu vas aller dans ta chambre en haut. Tu pars avec ça. Tu continues ta game. Le lendemain, il n'y a personne dans la maison. Ouais. Tu remets ça dans ta TV. Ta game est tout le temps avec toi. Là, sauf, bon, en autobus. Là, tu peux pas partir. Mais dans la maison, moi, je trouve ça hyper pratique. Non, je trouve ça écœurant. Là. Après ça, ils ont parlé de Zombie U, le jeu original. Ouais, c'est vraiment on dirait un des seuls jeux originaux qui sort de nulle part, fait précisément pour la Wii U de Ubisoft. Puis qui ressemble pas du tout à un jeu Nintendo. Là. C'est vraiment un jeu... C'est vraiment un zombie apocalypse. Violent, là. Un apocalypse, comme tu dis. Puis ce qui est cool, c'est que c'est qu'ils ont vraiment bien intégré, à mon avis, le gamepad, tu sais. Oui. Tu peux, entre autres, shaker un zombie sur toi. Un moment donné, tu vois la personne, elle est stressée, elle check une porte, puis il faut qu'elle ouvre, puis qu'elle mette le bon code. Il faut qu'elle fasse un code. Faut que tu le fasses sur ton gamepad, c'est ça, puis t'as un bouton pour regarder en arrière en même temps. Fait que là, t'es comme stressé des deux bords, tu sais. Non, c'est ça, puis ton inventory dedans, une fois de plus, puis... graphiquement, c'est très intéressant. Puis aussi, le concept que je trouve vraiment cool, ils ont expliqué ça à Game Trailers, c'est que tu vis le jeu en tant que survivant, puis si tu meurs, tu deviens un autre survivant. OK. Tu réutilises jamais le même personnage. Ça, c'est vraiment cool. Ben oui. Fait que tu sais, t'as tout le temps une nouvelle histoire. Ça recommence tout le temps. T'as tout le temps une nouvelle affaire tant que tu crèves pas. Ouais. Fait que je trouve que c'est vraiment un concept hallucinant. Puis quand on a vu Reveal, on a vu que c'était assez violent. Entre autres, il y a un gars qui se tire une balle dans la tête par la bouche. C'est ça. Puis tu vois vraiment la balle sortir derrière son crâne. Fait que on voit. Tu vois qu'il y a des zombies qui arrivent sur lui. Puis son bras commence à être infecté, on dirait aussi. Exact. Il se bute avant qu'il soit trop tard. Mais c'est quand tu vois ça, tu fais comme OK, Nintendo veut vraiment. Ah, c'est hardcore. Violent. Là, c'est hyper violent. Fait que moi je pense que c'est résolu du côté Nintendo, le hardcore. Là, ils vont y en avoir, puis sang, ça sera plus un problème. Là. Exact. Non, ça, non, c'est des bonnes nouvelles. Ils sont rendus là. Les Zombie U nous montrent ça. Là, surtout en étant un titre exclusif. Non, c'est très prometteur. Moi, c'est sûr et certain que ça... Évidemment, dépendant des critiques une fois de plus, mais c'est certain que c'est le premier jeu qui m'intéresse vraiment pour la Wii U parce que c'est exclusif. Fait que... Puis ce que j'aime aussi, c'est que ça se passe à Londres. Oui. Puis t'as comme les policiers là, rouges, là, comment ça s'appelle, là, ces gens-là, avec les chapeaux. Les gars de la police montée. Ouais, mais c'est pas de la police montée, c'est au Canada, mais c'est ça, là. Ouais. Là. En anglais, ils disent des English Bobby. C'est ça, avec les cases de poêle très haut. Exact. Puis là, dans... Un des screens de ce jeu-là, c'est un zombie qui a ce casse-là sur la tête. Ça fait vraiment genre... Ça se passe à Londres, tu sais. C'est super intéressant pour ça, je trouve. Ah non, c'est vraiment cool. Puis, ouais, c'est vrai. Toi, tu voulais parler de Tank. Moi, Tu connais-tu ça? J'allais pas en parler, là. Ben moi, j'allais pas en parler non plus, mais... Parce que je savais même pas que ça existait, mais là, j'ai comme vu ça. Puis là, t'as-tu déjà joué à ça? C'était un nouveau jeu? Non, jamais. Non, ben, je vais te le montrer. Je connais pas ça, Tank. On dirait que c'est un jeu de tank. On dirait que c'est du tank, Bruno. On dirait que c'est des tanks. Ben oui, hein? Tank de Namco. De Namco Bandai. Puis, Keep Firing. C'était... Ah, c'était un jeu d'arcade! C'est un jeu d'arcade qui arrive là-dessus. Puis, ben, ils en ont même pas parlé, là. Ça a été un flash, okay, là, de 5 secondes. Puis, c'est genre une bataille à 4, là, ou à je sais pas combien de monde. Oh, puis, ouais, c'est la guerre, là. On dirait, shit, que tu tues des boss, puis tu tues en tout le monde se tue. C'est dommage. C'est peut-être, cool, des modes différents, mais tu sais, c'est rien, là. C'est rien pour vendre la console, la Wii U, ou whatever. Oh, mais, ouais, c'est genre d'affaires d'arcade, là, vraiment intense. Ça, okay, a l'air super le fun. Tank, ah, ça a l'air tank, cool. Tank. Tu vois, on dirait que tu peux te battre les uns contre les autres, ouais, ou faire équipe, tu sais, pour avoir un genre de quest. Puis, ouais, vraiment. Ok, ah, yeah, ben, coudonc, écoute, là, ça m'intéresse. Un jeu, de party, en tout, ouais, cas, là. Tank, tank, tank, check ça, ça a l'air d'être un jeu d'arcade. Ouais, ça a l'air intéressant. Ouais, super dynamique. Là, il y a Aliens Colonial Marines. Je sais pas pourquoi c'est à cause de mon Aliens Infestation, mais j'attends, moi, ce jeu-là, Aliens Colonial Marines. Ça se pourrait que ça soit le jeu qui me fasse passer de l'autre côté pour les first-person shooters. Je sais pas, j'ai le goût, ça me tente, ce moi, jeu-là. Moi, j'ai hâte, mais il tarde à sortir, ça, ben, ça m'inquiète. Ben, ah, ça t'inquiète, moi je trouvais que c'est, ouais, une bonne, ça, idée, comme ça il roffe pas pour le sortir pour une période X. Ouais, mais tu sais qui a travaillé sur Aliens Colonial Marines? Non. Les mêmes qui ont fait Duke Nukem. Coudon, ok. Fait Gearbox. Ouais. Non, mais attendons. Fait que Ça m'inquiète un petit peu. D'ailleurs, je veux juste m'assurer là, que c'est vraiment Gearbox, mais il me semble, ben, que c'est Gearbox. Regarde ici sur mon Aliens Infestation, c'était Gearbox aussi. Mais ouais. Way Forward aussi, ouais, par exact, exemple. Non, c'est ça, c'est pas seulement Gearbox, mais. Mais Gearbox, ils font du bon stock aussi. Ouais, ils font, non, du bon stock aussi. Parce que, attends un peu, je regarde. Mais ici. Gearbox ont retardé super souvent Duke Nukem Forever. C'est ouais, le jeu, ça, le c'est, plus c'était retardé la, au monde. Le plus retardé. Mais non, mais je pense que ça va sortir bientôt. Là, ben, ça fait deux fois là, qu'il okay, retarde. Là. Fait que, tu sais, j'espère que c'est bon signe puis que ça va être bien. Mais non, c'est un jeu qui a plein de potentiel. Puis aussi, il y a une autre affaire qui n'a pas fait triper les médias, c'est qu'ils ont envoyé des screenshots du jeu aux médias. Ouais. Puis c'est les pires screenshots ever. Ils sont vraiment laids, puis ça présente mal le jeu. Tu sais, quand tu regardes le trailer, ah ouais, t'es plus excité que quand tu regardes les trailers. OK. Fait que non, c'est mon ça. C'est pas... Ça, c'est laid, ce qu'on voit là, par exemple. Ouais, ce exact, genre de tirage de fusil-là. Fait que c'est pas gagné. Je te dirais, tu sais, c'est... Moi, wow, c'est un moi, j'étais jeu, sûr que c'était gagné d'avance. J'ai commencé en me disant que c'était gagné d'avance, puis plus je vois du stock sur ce jeu-là, moins je suis convaincu. Mm-hmm. Fait que j'ai bien hâte de voir comment ça va finir, cette histoire-là. C'est un mystère, là. OK, ben, j'attends ben, de voir. Je vais mettre un frein là-dessus. Là. Nintendo a terminé sa conférence avec une explication pénible de ce qu'est Nintendo Land. Ben moi là, je me suis remis à travailler là pendant cette expérience, ouais, dans Nintendo Land. Même si j'avais l'écran dans le coin en bas, ouais. Tu sais, je travaillais en même temps là, mais je te dirais que j'ai arrêté de travailler pour fixer l'écran de tout ce qu'on vient de parler. Mais ouais, quand Nintendo Land s'est mis à embarquer, puis c'était long là, j'ai décroché. Ah, oh, moi aussi, j'ai décroché. Ça, dans le fond, c'est ce qui va venir avec la Wii U. Exact. Genre de Wii Sports, mais genre... C'est ça, c'est le Wii Sports de la Wii U. Luigi's Mansion, ouais, et puis Donkey Kong Crash Course, puis des affaires de même. Là, exact. Donc... Fait que non, c'est intéressant, mais tu sais, c'est pas... Encore là, c'est pas le jeu que tu montres pour présenter, pour dire au monde... Regardez, c'est plus la Wii, on est évolué maintenant, on est en HD, on est next-gen. Non, ça marche pas. Puis aussi, une autre affaire que j'ai pas trouvé terrible durant la présentation de Nintendo Land, c'est que il disait que bon, il y avait plusieurs jeux, plusieurs mini-jeux, puis des parcs thématiques de justement Metroid, Zelda, ouais, tous les héros, ouais, de, ouais, Nintendo. Super le fun, sauf que quand il présentait l'espèce de carrousel avec les entrées de certains parcs thématiques, la plupart étaient fermées. Okay. Genre, c'était écrit closed, opening soon. Mm-hmm. Tu sais, il me semble, Colin, tu veux le vendre, là, montre-les toutes, tu sais, au monde au moins plus que 2-3, tu sais, fait que, ouais, je trouve ça moyen, puis j'ai vu du gameplay, ça a l'air amusant, mais encore là, puis en plus de ça, la personne qui le présentait a expliqué un mini-jeu de Luigi's Mansion pendant 15 minutes, je pense, ah, là. Ouais, hein? C'était tellement pénible, là, c'était comme, OK, là... Autre chose, ah, passe à autre chose. Ouais, c'est supposé être des mini-jeux, là, puis ça fait un bout de t'explique, puis je comprends rien, là. Ça marche pas, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que c'était ça pour Nintendo. Ça a vraiment fini sur un gros pouet-pouette, là. Ouais, c'est ça qui a fait. Ça a commencé avec un bang quand même, parce que c'était comme Pikmin 3. Je suis pas vraiment. Ben, je suis pas un fan, pas mais c'était content. C'était intéressant. Tu sais, c'est intéressant parce que c'est une vieille série. Puis ça a été populaire. Puis ça date du GameCube. Ça faisait genre au-dessus de 10 ans, tu sais. Ouais. Excusez, c'est un grand retour, donc bravo. T'sais. Ouais. Puis on n'a pas eu de nouveau Zelda, on n'a pas eu de nouveau Metroid, non. Mais il fallait pas s'attendre à ça non plus. Non, je pense pas non plus. Fait que overall, c'était bien. Là, ouais. Mais je suis quand même satisfait de la Wii U, j'ai envie d'en avoir une. Non, c'est ça. Je suis convaincu. La Wii U, je suis convaincu. J'ai le même avis que toi. La Wii U, ça m'a convaincu, mais moi, c'est ça qui est drôle, c'est que ce qui m'a convaincu d'acheter une Wii U, c'est pas le E3, c'est le pré-E3 qu'ils ont fait. Ouais, c'est ça. Parce c'est qu'ils vraiment l'ont bien ça. Expliqué avec ils le pré-E3. Ils l'ont super bien expliqué. Totalement. Fait que, tu sais, moi, ça m'a convaincu. J'ai vu ça, je suis fait comme... Tu sais, ça répond vraiment à mes attentes concernant les jeux vidéo, tu sais. Puis, bon, ce qui va sortir de la Wii U, c'est ça qui est encore de plus important. Il faut voir c'est quoi que Nintendo va sortir avec ça. On va voir si les third parties vont embarquer aussi, là, ce qui est très important. Exact. Ça va pas être simple de développer là-dessus. Là. Non. Mais bon, si c'est... C'est un peu inquiétant vu le E3, parce que leur présentation du E3 a pas été terrible en termes... Moi, je m'attendais à ce qu'il y ait beaucoup plus d'annonces de jeux hardcore c'est que ça. Ouais. Puis je parle de jeux hardcore. Ils ont aussi montré Ninja Gaiden de Razor's Edge, juste ça. C'est ça, mais tu sais, ce qu'on veut, c'est des originaux. Ouais, c'est là, ça, on veut des jeux qui stock, sont pas là. Sortis. T'sais. Ben oui, puis le seul, c'était Zombie U dans le fond. Ouais. Puis tu sais, Darksiders va sortir au mois d'août. Fait que tu sais, il sort au mois d'août, puis là, la Wii U va sortir durant les fêtes. Fait que tu sais, moi, Darksiders 2, je l'attends avec impatience. Je suis persuadé que la version de la Wii U va être meilleure que les deux autres, pardon, vu l'écran. Mm-hmm. Mais encore là, je vais-tu attendre 3-4 mois pour y jouer, pour l'acheter, tu sais. Fait que c'est juste ça, tu sais. J'ai hâte qu'il soit au même niveau que les autres. Puis j'aurais aimé ça au E3, qu'il présente plus de jeux, qu'ils disent, garde, on travaille sur, mettons, je sais pas moi, un Call of Duty, on travaille sur le prochain Batman, on travaille sur un nouveau Resident Evil que vous avez pas vu, tu sais, juste des grosses licences, genre, mettons, on a un nouveau Street Fighter, tu sais, juste quelque chose. Toutes ces licences-là viennent de sortir là, cette année, tu sais, où ça sort dans quelques mois. En même temps, c'est un peu... La Wii U, elle arrive trop tôt, on dirait, là, pour donner un kit de développement à ces gens-là pour faire un nouveau Street Fighter V. Mais quand même, l'année passée, ils l'ont annoncé au E3. T'sais, ils n'ont pas présenté aucun gameplay ni rien, mais ils ont quand même dit que ça s'en venait, la Wii U. Oui. Fait que, tu sais, mais malgré dis... tout, tu sais... En tout cas, moi, je suis pas déçu. En fait, je suis pas surpris qu'il n'y ait pas beaucoup de nouveaux jeux en présentation, des nouvelles séries qui arrivent ou des affaires bien grosses. Là. Mais je pense qu'il va y en avoir du Bloody en masse. Là. Ouais. J'ai hâte de voir, fait, comme tu disais, s'ils vont emboîter le pas, il va-tu avoir un Call of Duty sur Nintendo. Ouais. Exact. Moi, je m'en fous, mais je serais content. Parce que ouais, là, je serais content. Nintendo peut-être que ça va changer la façon de voir les... aux autres là, pour une fois. Là. Fait que ça serait bien intéressant. Moi, c'est ça que je veux, mais je veux aussi que Nintendo soit en avance sur les deux autres, des fois, tu sais. Parce que présentement, c'est ça qui arrive, c'est que, tu sais, ils rattrapent tout le temps, tu sais, ils rattrapent. Ouais. C'est surtout en Amérique du Nord, tu sais, ici, on a tellement pas le même public, tu sais, c'est différent. Au Japon, tout le monde va l'acheter là-bas. Ouais, non, c'est sûr. C'est sûr, puis tout le monde achète tout ce que Nintendo fait, puis la 3DS, puis tout ça, mais... Puis j'ai hâte aussi de voir la connectivité entre la 3DS et la Wii U. J'ai vraiment hâte de voir ça, moi, avec. Tu sais, à quel point ça va se connecter. Parce qu'ils l'ont vendu t'sais. Pas mal, ça, aussi, au début. Là. Fait que ça, moi, ça me branche bien raide. Ouais. Puis vite fait, sur la 3DS, parce qu'on n'a pas parlé, mais la conférence qu'on a vue, bon, on a parlé de Castlevania en masse tantôt. Ouais. Mais sur... Le nouveau Mickey. Epic Mickey 2, Power of Illusion. Ouais. Qui est une référence de Castle of Illusion. Qui est, un classique du Genesis. Ouais. Puis, on a appris tantôt que c'est développé par les gens qui ont fait Monster Tale. Yes! Le jeu que j'ai parlé la semaine passée, qui est tellement hot, ben ils sont allés chercher ces gens-là pour développer ce jeu-là. Exact. Puis, ça a l'air d'être pas mal en 2D. Ça a l'air vraiment mais cool. Un platformer 2D, Metroidvania, tu sais, mais cool avec du Epic Mickey. Puis, vu justement à Monster Tell, on sert des deux écrans. Ben là, ils ont ramené ça avec la 3DS, tu sais, puis il y a de l'interaction entre les deux écrans. Exact. Ça, ça a l'air d'être winner au max. Là. Mm. Moi, j'achète ça tout de suite quand ça sort. Là. Ah ouais, c'est ça. Sûr, vraiment là. Trippé bien raide. Là. Mais c'est ça, à part de ça... Pas de redesign de la 3DS annoncé pour l'instant. Moi, j'étais sûr que non. Là. Il est comme... Il me semble trop tôt là, pour... Mais tu sais, il reste encore un jour au 3. Fait que ouais. Peut-être que demain, il y aurait une annonce, mais encore là. Ouais, moi, je suis sûr que pas non. Pas sûr, là. Puis... Pas d'autres consoles, la part des deux autres compagnies non plus. C'était après voir, tu sais. C'est sûr et certain. Puis aussi, sur la 3DS, bon, ils ont montré un petit peu plus de gameplay de Luigi's Mansion. Ça a l'air cool. Ça a l'air vraiment cool. Ouais. Ils ont montré aussi... qu'est-ce qu'ils ont montré aussi? Il avait montré à Tom notre Castlevania, Luigi's Mansion. Ah, évidemment, Paper Mario, New Super Mario Bros. Ils ont montré un jeu pendant qu'on parlait, ça s'appelait Three Idiots, comme ouais. Trois idiots. Je sais pas ce que c'est ça. C'est un genre de jeu avec du vrai monde dedans. Non, ça, c'est. Il voulait montrer que sur le channel de Nintendo Vidéo, il allait avoir cette série-là. Ah, c'est une série. Parce qu'il pousse ça sur la 3DS, que je trouve drôle d'ailleurs. Là. C'est comme, on n'a pas de contenu en jeu, fait qu'on vous donne des vidéos. Ouais, parce que moi, j'ai comme fermé ça dans ma 3DS, les vidéos. T'sais, au début, j'étais abonné. Je suis comme, je m'abonne à toutes. Ouais. J'en veux pas de tes vidéos. Moi, je veux-tu regarder une nouvelle vidéo des Blue Man, pas quoi. Là? Non, je veux pas ça. Moi, il y a juste, Dinosaur Office, je l'écoute tout le temps parce que je trouve ça bien drôle. Ah, je sais pas, je sais même pas ce que c'est. Vois-tu, moi, je joue avec ma 3DS, je regarde pas des films. Rien, mais c'est ça. Fait qu'en tout cas, pour terminer ça, écoute, toi, t'as-tu un préféré dans conférence que t'as vu? Ben là, il faut nommer un gagnant. Là. C'est important de dire qui c'est qui a gagné son E3. Ouais. Ben, je sais pas trop. Là. Non, mais c'est quoi le meilleur des trois, à ton avis? Là? Qui t'a le plus attiré dans la gang? Ben, mettons... C'est vraiment égal, on dirait, entre Nintendo et Sony. Je trouve ça pas mal égal. Microsoft, Smart Glass, c'est ben hot, mais les séries m'intéressent pas. Mm-hmm. Fait que that's it. Les jeux qui ont été présentés pendant Sony, c'était malade. Là, ouais. Moi, je veux dire, Watch Dogs? Ouais. Ouais, Watch Dogs, Sly Cooper, The Last of Us, je veux dire, ça tue au max. Ouais. La Wii U, je suis convaincu, je pense que ça va être une bonne console. Mm-hmm. Qui écoute Castlevania, moi, je capote. Ouais. Fait que ça joue pas mal entre ces deux-là, mais je les mettrais pas mal égales, là, en ce qui me concerne. Toi, non, c'est ça, je trouve que c'est... Moi, c'est concernant les jeux, Sony a gagné bien raide, à mon avis, parce qu'il y a eu plus d'annonces, un peu plus de risques de leur part aussi, tu sais, t'es comme... T'as The Last of Us, puis t'as Beyond cette année. Ouais, Beyond aussi, ouais. Complètement nouveau, là. Y a rien nulle part ailleurs qui ressemble à ça. Fait que ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Puis sinon, dans les autres présentations, tu sais, comme la présentation comme telle, niveau d'excitation, les trois, je dirais que c'est pas réussi. Là. J'étais pas excité pantoute. Tu sais, Sony m'ont perdu à plusieurs moments, Microsoft m'ont perdu à plusieurs moments, puis Nintendo m'ont perdu quasiment tout le long. J'ai trouvé que Nintendo, pour moi, cette année, j'ai trouvé que, tu sais, il y avait quoi de super excitant à annoncer. Puis ils m'ont tellement perdu, là. Puis aussi la présentation, la façon que c'était faite avec le monde, les interactions qu'il y avait entre eux autres. C'était drôle, tu sais. Ils se parlaient à la Saturday Night Live, là, que genre, ils regardaient tous les deux un téléprompteur, ils se regardaient pas dans la face. Fait que c'était drôle, mais tu sais, mis à part ça, juste les annonces étaient pas aussi excitantes que j'aurais aimé. Moi, j'avais vraiment l'impression, en écoutant la conférence de Nintendo, que ça allait faire un gros bang, là. Que j'allais finir. Tu sais, j'attendais là, le mardi matin là, avec impatience. Colin, j'ai préparé mon spaghetti en avance là, pour l'avoir à midi tapant pour manger devant mon ordinateur. J'attendais ça. Là. Les autres, ça me dérangeait pas de manquer quelques minutes, mais eux autres, je voulais rien manquer. Là. Je me dis, ça va être gros avec la Wii U. Ils vont vouloir détruire les deux autres. Ouais. Pas vraiment, finalement. Non, ils ont fait leur petit bonhomme de chemin. Ils ont montré leur petite gogosse, puis ça a été ça. Là, ça change pas le fait que j'en veux une Wii U, là, mais la conférence, c'est pas ça qui a fait que j'en veux une. C'est plus la pré-conférence. Ouais, la pré-conférence était pas mal plus intéressante en ce qui me concerne. Là. Puis les jeux, on les connaissait déjà toutes. Fait que, c'est ça. À part Zombie U, mettons. Là, puis exact. Ça a été pas mal ça. Là. Ouais. Donc, Fait que c'est ça. C'est ça pour cette année. C'est ça pour cette année. Hey, c'est fatigué. Un gros blitz, là, ouais, on va aller se coucher. fait que c'est ça pour le 30e épisode spécial E3 2012 ouais. de Rétro Nouveau. On vous a demandé votre opinion, mais là, on a juste... On est trop fatigué. On a plus de force, là, minuit et quart. On a couvert une soixantaine de jeux, là. C'est ça. Donc, on espère que vous avez apprécié. Ben oui. Puis, restez à l'écoute pour l'épisode 31. Yes! Rétro Nouveau.